Planète Rap. 100% rap français. Et c'est donc parti pour la nocturne 100% rap français. Et là, il vient de Saint-Etienne. Vous le connaissez si vous écoutez Planète Rap. Il vient souvent rapper. Yes. Kéfir est là avec nous. Ça fait plaisir de te voir, Kéfir. Merci, Frédérico. Moi c'est... aussi. Ça c'est déjà la plaisir. Deuxième nocturne avec toi. Ouais, c'est la deuxième nocturne. Il va que j'ai... je fasse payer des trucs. Quand même, ouais. C'est ce que tu m'avais dit la première fois. Là, c'est, ça se précise. Bon, je tout sens. Va bien. Ouais, et toi, alors, Frédérico. Bah écoute, en pleine forme. Rappelle-nous un petit peu ton parcours, Kéfir. Toi, qui tu es, où tu vas, ce que tu as fait, et surtout ce qui se passe en ce moment. Alors moi j'ai sorti un premier album qui s'appelait Cahier Intime qui est sorti en 2012. Yes. Et voilà, du coup ça m'a permis de faire la nocturne justement à ce moment-là et de faire beaucoup de concerts. C'est et, déjà 2012 arrête. Ouais, c'est 2012. Ouais, c'est 2012. Ouais. Putain, ça défile, ouais. Ok. Voilà. Et après, j'ai sorti un EP en 2014 avec le One Mic. Et on a, ça, en fait, on a fait la nocturne avec, en présentant ah oui, Cahier oui, Intime ça, oui. Et le EP One Mic. Exact. Exact. Donc, ça, c'est, One Mic, c'est un collectif. Hein. C'est un collectif où il y a quelques membres là dans le studio. Je les présenterai tout à l'heure. On salue. Coup. Qu'on salue tous. Et là maintenant je sors justement mon premier EP solo parce que le premier c'était un album et il s'appelle Premier Semestre. Voilà, et il y a 6 titres. Donc là par exemple si ce soir on se dit putain Kéfir, le mec a du potentiel, on va aller. Est-ce qu'on peut cliquer, est-ce qu'on peut récupérer comment yes. on fait? Alors le EP Premier Semestre il est disponible partout, sur iTunes, Deezer, pas en physique parce qu'en physique du coup je mettrai en physique le premier semestre et le second semestre. Sinon il est disponible sur Spotify, sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Donc faut taper Kéfir et on trouve. K-E-F-Y-R, pas Fekir. Oui. Kéfir, K-E-F-Y-R. Yes. Et on trouve tes sons. Et bah pour mieux te découvrir, on va débuter avec un morceau maintenant. C'est parti, c'est toi qui contrôle la nocturne, 100% rap français. On part donc sur un morceau qui s'appelle Pilule. Pilule, yes, c'est Pyromane à la prod et c'est Diogène au rec et au mix. Et Fléo au master. Nocturne avec Kéfir au contrôle. En décembre, je suis pas du genre à sortir un 12 titres sans le défendre, mais je me fais rare tel un moustique en décembre. Je suis pas du genre à sortir un 12 titres sans le défendre, mais je me fais rare tel un moustique en décembre. Je suis pas du genre à sortir un 12 titres sans le défendre, mais je me fais rare tel un moustique en décembre. Kéfir, premier semestre. Je joue pas les cambrés pour me démarquer, mais je reste affranchi. Ma limite est marquée, c'est de plein gré si je la franchis. Nos péchés capitaux, c'est notre train de vie. Quand ils sont psys, on vide notre sac, c'est pas que du rap, oui, c'est de l'exorcisme. Je pratique un art ancestral depuis la nuit des temps. Je laisserai mon empreinte digitale, même si j'ai mis des gants. Dresse un tableau noir comme soulagé. Et pour m'achever, zoom sur mon passé en full HD. Je suis pas irréprochable, non, non, je suis pas dans l'utopie. Mais je reste intouchable, t'entends même pour Bill Cosby. Je préfère avoir un mental d'acier, des parties sombres, que voir un mental taille chier sur nos partitions. On reste fier, même si notre culture passe à l'as, comme les caissières. On commencera de parler qu'en face à face. Comment apprécier le rap si je ressens pas les textes? Un flow sans fond, comme les vegans, moi je m'en bats les steaks. Je vais leur mettre une pilule, ils diront que je m'emballe. Moi je suis élu pour que eux cumulent les mandales. Ils jouent les formes mais ils simulent tellement mal. Flippent tout ce que je divulgue, le scandale. Je vais leur mettre une pilule, ils diront que je m'emballe. Moi je suis élu pour que eux cumulent les mandales. Ils jouent les formes mais ils simulent tellement mal. Flippent tout ce que je divulgue, le scandale. Tu fais le plein des dents tes clips, tu becques des assiettes de patates au beurre. Si je me sous-estime, c'est uniquement pour n'être qu'à ta hauteur. T'es pris de vitesse car je veux régler ton carapidos. J'hésite à te shooter comme un flic US devant un albinos. T'es loin d'être fort frère, si t'as poussé que de la fronte. T'es à côté de tes pompes si je te considère hors pair. C'est bonne guerre, t'as mon stylo en travers la gorge. J'ai tiré sur tes cordes vocales et je vois que tu galères à mort. Parfois j'ai la rage, le démon qui entache l'ange. Je ne vendrai pas mon âme au diable pour éviter la page blanche. Gars, si t'es en face d'un ou contre discutable. Technique discutable comme l'efficacité d'un vaccin. Mais tes pires ténèbres, c'est Kéfir qui maîtrise les verbes. Ramène-moi tous tes potes et tu verras qu'il est triste de perdre. Reconnais de loin les MC qui méprisent le dictionnaire. Si j'aurais su, j'aurais pas eu à l'écoute une crise de nerfs. Si j'aurais su, j'aurais pas eu Charter, Charter. Mettre une pilule, ils diront que je m'emballe. Moi je suis élu pour que eux cumulent les mandales. Ils jouent les formes mais ils simulent tellement mal. Flippent tout ce que je divulgue, le scandale. Je vais leur mettre une pilule, ils diront que je m'emballe. Moi je suis élu pour que eux cumulent les mandales. Ils jouent les formes mais ils simulent tellement mal. Flippent tout ce que je divulgue, le scandale. Ils jouent les fans mais ils simulent tellement mal. Ils flippent tout ce que je divulgue, le scandale. Rap français, planète rap. La nocturne. On est marginalisé, ça a tort et les plus forts dépriment. Trop de faits qu'on déplore, alors accusé des plus corps des crimes. Le rap restera le moyen de m'exprimer. Je me fous des doyens païens qui rêvent de me voir m'exiler. Je suis plus un mec stylé, je marche à côté de la plaque. Lance un pavé dans la flaque, celle qui sert pour vous selfiser ou vous diviser. Avec la peur pour aboutir, pour ensuite s'abrutir devant les discours d'Éric Zé. T'interroges-tu quand tu partages l'opinion publique? Je suis pour la République et bien sûr la liberté d'expression. Passer la deux vitesses ou deux poids, deux mesures. On fuira à l'usure. Si pas de changement jusqu'en 2016. Je rappe ce texte en craignant de vote. 2017, un reportage télé vaut plus que 2000 disquettes. Je fais le titre quand je parle sérieux, je rougis. Je suis comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide. Premier semestre, Kefia. Je suis telle une bougie qu'on a oublié d'éteindre. Un mur qui se fissure mais qu'on souhaite peindre. On dissimule par nos sourires nos erreurs. On brûle les pourris comme une bougie de l'intérieur. Je suis telle une bougie qu'on a oublié d'éteindre. Un mur qui se fissure mais qu'on souhaite peindre. On dissimule par nos sourires nos erreurs. On brûle les pourris comme une bougie de l'intérieur. J'écris des rimes pour délimiter ma ligne de défense. Que ma vie est un sens avant ma déliquescence. Ces sens rappellent chaque jour en plein parcours. Je pourrais me perdre un carrefour, finirais par manquer d'essence. La musique un moteur pour résumer sans s'étendre. Un exutoire de problème, une oreille qu'elle est sans s'étendre. Et sans cette envie tout cracher ou m'arracher. Me cacher comme un redoublant face au regard du mois de septembre. Certes avec le temps toutes les peines sont passagères. Lorsque la coupe est pleine, elle conduit, c'est une s'attache guère. Je fais partie de ceux qui visaient la lutte sans y croire. Qui disaient que le bonheur malheureusement n'est que transitoire. J'étais très sinistre et un brin pessimiste. Les petites crises finissaient en traumatisme aux grandes histoires. Je fais le pitre quand c'est sérieux, j'oublie où j'évite. Je suis comme une bougie éteinte dans une chambre vide. Ouais. Je suis telle une bougie qu'on a oublié d'éteindre. Un mur qui se fissure mais qu'on souhaite peindre. On dissimule par nos sourires nos erreurs. On brûle les pourris comme une bougie de l'intérieur. Je suis telle une bougie qu'on a oublié d'éteindre. Un mur qui se fissure mais qu'on souhaite peindre. On dissimule par nos sourires nos erreurs. On brûle les pourris comme une bougie de l'intérieur. Je suis telle une bougie qu'on a oublié d'éteindre. Un mur qui se fissure mais qu'on souhaite peindre. On dissimule par nos sourires nos erreurs. On brûle les pourris comme une bougie de l'intérieur. Je suis telle une bougie qu'on a oublié d'éteindre. Un mur qui se fissure mais qu'on souhaite peindre. On dissimule par nos sourires nos erreurs. On brûle les pourris comme une bougie de l'intérieur. Kefir, premier semestre. Yeah, envoyez plein de messages. Kefir sur Skyrock. Hashtag Kefir sur Skyrock. Bonne idée, tu as raison. Lâchons le hashtag Kefir sur Skyrock. Il est là, il est avec nous, Kefir. Vous le découvrez aussi dans cette nocturne. Le morceau s'appelle Bougie. Yes, le morceau c'est Bougie. C'est Pyromane à la prod. Et c'est un morceau qui fait partie de justement de premier semestre. Et je crois que c'était un des deuxièmes morceaux que j'ai écrit et enregistré. Et c'est là que je me suis dit bah je vais me lancer sur un EP et je vais faire le truc. Et d'ailleurs c'est un morceau qui reprend un peu les codes de L'Enfant Seul de Oxmo. Un morceau que j'ai vraiment adoré. Classique de parmi les classiques. Yes, grave. Et du coup j'ai un peu repris les codes. Justement c'est pour ça que je dis je suis comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre. C'est vraiment pour faire honneur à Oxmo et à son morceau L'Enfant Seul qui m'a tant bercé. Qui t'a bercé, ouais. Qu'est-ce qui te berce en ce moment, Kefir? Qu'est-ce que tu écoutes beaucoup? Est-ce que t'es dans la vague aussi? Il y a eu toute la vague trap, etc. Est-ce que sur les sonorités actuelles, tu te reconnais? Il y a des choses qui te parlent? Ouais, carrément, ouais, bien sûr. Il y a vraiment des trucs. Vraiment, j'écoute la trap, etc. La grime, tout ce qui se fait en ce moment. Et j'adore, vraiment, j'adore. Après, c'est pas l'univers que moi j'arriverais à, pour l'instant, à traduire avec la musique que je fais. Mais par contre, je commence à m'y pencher sérieusement dessus et je vais essayer justement d'essayer d'unir un peu la trap et un peu le old school que j'arrive à, enfin le old school, ce qu'on dit old school, les lyrics un peu lyriciste avec un peu de la trap, et j'essaye de manier un peu l'univers. Et d'ailleurs sur le premier semestre on peut voir une petite once du truc, mais je pense que ça viendra. Et parle-nous un petit peu, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent dans la France entière. Quand on est par exemple à Saint-Etienne, comment on fait pour voilà, en indépendant, sortir des morceaux, aller en studio? C'est quoi, c'est un vrai chemin, c'est compliqué? Ouais, c'est un chemin de croix. Ouais, c'est un chemin de croix. C'est vraiment la croix et la bannière pour sortir un truc, parce que. Mais je pense qu'à Paris aussi c'est un peu comme ça, mais comme à Paris c'est plus grand, donc tu peux vite trouver des studios où tu peux donner 30 euros de l'heure et enregistrer ton morceau et tout ça, tandis qu'à Saint-Etienne les studios ils ont l'habitude de faire soit du reggae, parce que Saint-Etienne c'est quand même la ville qui est connotée reggae, avec la Dubbing qui est un groupe de Saint-Etienne et qui cartonne bien, donc du coup tout le monde essaye de faire un peu de plus, reggae. Ouais, plus tendance reggae. Ouais, voilà, d'ailleurs dédicace à la Dubbing avec Bouche avec qui j'ai eu l'honneur de faire un morceau. Et voilà, du coup c'est difficile de trouver un petit studio pour faire 30 euros l'heure de studio, donc on essaye de se débrouiller via les forums, via les tutos, essayer d'apprendre à se mixer soi-même, etc. On est au four et au moulin un peu, comme on peut dire quoi. Écoutez, on va écouter un autre extrait maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je passe comme morceau? Eh ben, je veux bien que tu balances Le Temps d'une Époque. C'est un morceau où je prends le risque de chanter dans le refrain grâce à mon collègue Fazi qui m'a donné quelques pistes pour le chant. Donc, soyez indulgents. Allez, on y va. Le Temps d'une Époque. Vous réagissez. Le hashtag La Nocturne, le hashtag Skyrock, le hashtag Kéfir sur Skyrock. Ça arrive direct. Yes. Il s'appelle Kéfir, K-E-F-Y-R. Son projet dans les bacs. Premier semestre, pyromane à la prod, à la guitare, yeah. Prends ce texte comme un constat sur les valeurs humaines. Regarde tes cernes, regarde un peu la pâleur que tu traînes. On n'a pas tous des mots moralisateurs comme fin, et la fatigue est notre dénominateur commun. Le fléau d'une vie d'adulte et le mal de dos, et les aléas qu'on cache derrière ce manque de peau. On veut se barrer à voyager par je ne sais où. On se demande où sont nos rêves, on était jeunes, c'est tout. Fut un temps, on avait moins de soucis pour nos projets. On a du mal à se projeter, pourtant on a plus 20 ans. Parti trop vite, pas l'impression d'avoir profité. La pression, la peur de l'échec nous faisait trop flipper. On est le fruit de nos parcours, un long voyage pour une époque où le temps n'était pas si mal, où tout n'était pas si naze. On est le fruit de nos parcours, un long voyage pour une époque où le temps n'était pas si mal, où tout n'était pas si naze. On est le fruit de nos parcours, un long voyage pour une époque où le temps n'était pas si mal, où tout n'était pas si naze. Ce soir, je suis de bonne humeur, je n'ai pas l'âme en peine. Si je te parle d'un temps passé, c'est que je n'ai plus la vingtaine. C'est fou en apparence, ma génération n'a pas une rythme. Ou dans notre cadence, on se lance pas, on a peur du vide. L'alcool nous désinhibe, nos pensées se déséquilibrent. On s'ouvre à des discussions permettant de garder l'équilibre. On est des grandes gueules, on n'hésite pas à parler fort. On fait l'effort d'avancer, ça on a dû l'apprendre seul. En vérité, on s'est forgé une petite bulle, une multitude d'amitié qui est un petit tube. Avec le temps, on se perd de vue, on finit par s'oublier. Mais si l'oubli se perpétue, c'est qu'on n'a pas su trier. Qui a raison, qui a tort, qu'importe, fuyez. Et si l'odeur est équivoque comme le 14 juillet, on peut s'évoquer l'époque où tout n'était pas si mal, où nos madeleines de Proust n'étaient pas si hard. Un parcours, un long voyage pour une époque où le temps n'était pas si mal, où tout n'était pas si naze. On est le fruit de nos parcours, un long voyage pour une époque où le temps n'était pas si mal, où tout n'était pas si naze. C'est vrai que je n'écris que des idées noires. Ce morceau est un appel à l'aide qui veut dire au fond guidez-moi. Moi, j'ai la vision terminatrice. Je suis dépressif, peu expressif et fond dans un précipice. Mais parfois, je rêve les yeux grands fermés. Et je crois, j'aime ce que le temps me permet. J'aime ce que le temps me permet. On est le fruit de nos parcours, un long voyage pour une époque où le temps n'était pas si mal, où tout n'était pas si naze. On est le fruit de nos parcours, un long voyage pour une époque où le temps n'était pas si mal, où tout n'était pas si naze. On est le fruit de nos parcours, un long voyage pour une époque où le temps n'était pas si mal, où tout n'était pas si naze. On est le fruit de nos parcours, un long voyage pour une époque où le temps n'était pas si mal, où tout n'était pas si naze. Planète Rap, 100% rap français. Yeah, featuring Samsara et MK. Yeah. Parle-moi d'amour et d'amitié, fais-moi rêver, je n'ai besoin que des belles pensées, de deux hémisphères entiers. Je veux augmenter mon chi, choper de l'énergie dans tout ce qu'il y a. Éclater le mal avec un tchenki d'amam. A tout parfaire, la vie devient fausse comme une roue qui ne s'entache. Y'a quelque chose qui manque dans cette routine sans scratch. On perd nos âmes de vue dans nos rêves de diadème. À croire qu'on dort que d'un œil, le troisième. Demande pas l'asile, on t'y mettra. Les biens forts, on ne cède pas. À croire qu'on se sert mieux les coudes sans bras. Yo, j'ai beau tailler le troupeau. Les popos, dans mes propos, j'ai peut-être parti de l'eau. Appelle-moi Renault, j'ai le cerveau lavé, déconnecté de la réalité. J'ai 100 patates à donner à mes 3 télés. J'y ai pensé des milliers de fois à me barrer avant de devenir taré dans mon 20 mètres carrés. Des balades de récit, frise aux ternes et précises. Horizons oppressants et cette impression que la terre est rétrécie. Le cœur s'épaissit dans des mirages d'éclaircies. Les plongées larmes de ces nuages gris. Des balades de récit, frise aux ternes et précises. Horizons oppressant et cette impression que la terre est rétrécie. Être ici et vivre cette drôle d'époque. Le cœur joue son rôle d'éponge entre les roses, les ronces, on connaît trop le décor. Regarde-moi, moi je voulais juste kiffer. Je suis monté sur scène, on m'a dit que je donnais l'impression de me justifier. Je suis qu'un maillon dans cette grande chaîne appelée humanité. Tu sais, j'aurais voulu être un artiste, mais j'ai dû paniquer. Alors j'avance avec un poids sur la conscience. Et pour une fois, je reconnais que j'ai fait des choix, tu vas comprendre. J'écoute plus la voix du cœur que celle de la raison. Mais bon, cette voix à l'intérieur attend de toi que tu la contentes. Ça fait que tu croises des paroles et des regards de travers. Moi, je suis comme Cavrel, plus attiré par les chemins de travers. C'est vas-y, vise le truc. J'ai mon lot de paradoxes, des diplômes qui parlent à d'autres. Pendant que moi je tease et fume, voici le vice d'un cipotin d'albâtre. Je raconte ma life, ça me fait du bien, même si je sais bien que t'en as rien à battre. Et si un jour je suis dégoûté, remettez-moi ce couplet, je m'en rendrai compte si j'ai fait le con quand je ferai les comptes au point d'impact. Des balades de récit, vision terne et précise. Horizons oppressants et cette impression que la terre est rétrécie. Le cœur s'épaissit dans des mirages d'éclaircies. Les plongées larmes de ces nuages gris. Des balades de récit, vision terne et précise. Horizons oppressants et cette impression que la terre est rétrécie. Être ici et vivre cette drôle d'époque. Le cœur joue son rôle d'éponge entre les roses, les ronces, on connaît trop le décor. Y'a tant de choses à dire qui me triture, mène une vie dure. Pourquoi c'est le triste qui m'attire? Souvent m'aspire toujours bonne figure. Mais j'ai la bonne piqûre, 10 millilitres artistiques. Un rap de pauvre sans que les génies de l'élite participent. Je prends racine, pourtant je mérite limite partir vite. J'illumine mon côté sombre, je minimise ma part mystique. Ce côté pitre me vient d'une adolescence programmée. Même mon sourire peut subir l'obsolescence programmée. Et je crois qu'il faut se manier si on veut la Côte d'Azur. Dans nos projets trop de passures, accrochés à d'autres cassures. Nous on est faussement liés par le béton qui nous entoure. Je le représente pas d'ailleurs, en parlerait-on si on s'en fout. Bref, ma vie c'est amour puis déception. J'ai que la musique, j'interdis quiconque de baisser le son. Je préfère bousiller mes tapants que de ressentir ce mal. Ou de ressortir le sale d'un amour propre étincelant. Des balades de récit, vision terne et précise. Horizons oppressants et cette impression que la terre est rétrécie. Le cœur s'épaissit dans des mirages d'éclaircies. Les plongées larmes de ces nuages gris. Des balades de récit, vision terne et précise. Horizons oppressants et cette impression que la terre est rétrécie. Être ici et vivre cette drôle d'époque. Le cœur joue son rôle d'éponge entre les roses, les ronces, on connaît trop le décor. Kéfir, il est au contrôle de la nocturne. 100% rap français. Horizon oppressant. À l'instant, ce qu'on écoutait, Kéfir, c'est lui qui a pris le contrôle de la nocturne sur Skyrock. Il nous vient tout droit de Saint-Etienne du 4-2. Yes. Présente-nous un peu qui est avec toi, Kéfir, s'il alors, te plaît. Ouais, avec grand plaisir. Donc, du coup, on a Smad du yeah. One Mic. Smad, One Mic, Esprit Divergent, Génie Lac, représente. Donc, juste un mot sur le One Mic, vous êtes combien? On est dans le One Mic, on est 10, pile 10. Dizaine, voilà. Ouais. Voilà, donc il y a des beatmakers. Là, donc là, il y a Diogène qui est à côté de moi. Diogène, si tu veux dire un petit mot. Big up à Kéfir, premier semestre. Kéfir. Voilà. Slice Makers. Ah bah c'est l'heure, hein, minuit 35, c'est vendredi, hein, c'est normal. Hein. Voilà, bah moi, je connais, c'est dur aussi. Hein. Diogène, il est chaud. Du coup, pour finir avec, avec le One Mic, il y a Sika du One Mic qui est là. Lyon. Voilà. Big up à mes sons. Il y a Pyromane qui est à ta gauche. Qui est là, qui balance les sons, qui est juste derrière toi. Puis après, en invité spécial, on a Samsara. Bonsoir Skyrock, on vient soutenir bienvenue. Le poteau Kéfir, bien bienvenue sûr. À toi. Après, on a MC Joël qui est là à la caméra. Aïe aïe aïe, MC Joplaque tournante, du bruit pour Kéfir et premier son. Yeah, yeah, yeah. Il y a du monde ou pas? Yeah, yeah, yeah. Après, on a l'invité qui est Jomai. Yes, bonjour à tous. Ça va bien, Jomai? Bloc d'éc de Nico, Chiki O. Après, autour, bah, on a Jonathan, on a Alexandre. Et on a Benjamin et les deux là, ils ont réalisé mon dernier clip, c'est Placebo et c'est Little of the Walk. Little Walk of Fame. Pardon. Ah mais les mecs, attends, c'est les carrés quoi. Hein. Mais grave, je suis pas bon moi. Comme toi, j'ai le même anglais pareil, que toi. On était à la même école, j'ai l'impression, même prof. Exactement. Kéfir, est-ce qu'on attaque maintenant sur la grosse session live, hein, Kéfir? Yes, yes, on va essayer de faire une grosse session live, ouais. Live. Live. Allez, on y va, c'est parti, coup d'envoi. Yes, c'est parti. Ok, Kéfir. Attends. On va balancer la prod. Ouais. Mais moi je reçois tous vos messages les gars. N'hésitez pas à envoyer des messages sur Facebook, sur la plateforme Skyrock. C'est hashtag Kéfir sur Skyrock. N'hésitez pas. KFYR. KFYR. Ok, ok. C'est parti pour le freestyle. J'ouvre le bal. Yo. Kéfir. Yo, ça fait. Joue pas les timbres et pompes démarquées, mais je reste affranchi. Ma limite est marquée, c'est de plein gré si je l'affranchis. Nos péchés capitaux, c'est notre train de vie. Quand résorcisse, on vide nos sacs, c'est pas que du rap. Oui, c'est de l'exorcisme. Je pratique un art ancestral depuis la nuit des temps. Je laisserai mon empreinte digitale, même si j'ai mis des gants. Dresse un tableau noir comme sous l'achevé. Et pour m'achever, zoom sur mon passé en full HD. Je suis pas irréprochable, non, je vis pas dans l'utopie. Mais je reste intouchable, t'entends même Paul B. Cosby. Je préfère avoir un mental d'acier, des parties sombres, que de voir un mental taille chier. Sur nos partitions, on reste fiers. Même si notre culture passe à l'as comme les caissières, on commencera de parler qu'en face à face. Comment apprécier le rap si je ressens pas les textes? Un flow sans fond comme les vegans, moi je m'en bats les steaks. Mes raps se font rares comme un pauvre avare, comme un noir rare var, d'où la denne qui se rase. Écoute, le savoir qui se passe se fait rare comme un jardin de roses qui pousse au Sahara. Un sourire qui épouse une larme, rare comme un soupir qui épouse une lame. Un salam qui tourne mal comme un talent gâché. Une paix qui éclate dans un joli gâchis. Imagine l'hooligan, philanthrope de base. Rare comme de rendre muet une basse. C'est l'ennemi qui trahit sous la cape. Rare, rare comme l'imam en trii pour seul sap. C'est rare comme un sume qui tabasse, pas des masses. Comme une balle en plein cœur qui t'abat, pas sur place. Comme un bête qui dépucelle, une sainte qui aldasse. Rare comme un feu de paille qui taille son chemin dans la glace. J'suis qu'un jazzman en basket, gentleman à casquette. Qui accède au pain sec, on backset et l'accepte. MPC trompette, corde vocale ou saxophone. La même démarche, la même envie, tu non conforme. Mélange de samples non accordés, tu dis que c'est faux, tu pousses. Un peu comme la note bleue du blues. Ma musique évolue comme les autres afro-américaines. Je respecte le crunk même s'il fout la haine. Arrivé sur scène, jazz ou rap, la même. Les scars la haine, ouais, le problème. Y'a du whisky coca, des Maurice Green en costard. Des mecs qui se tapent et des cocards, des cas en or et des tocards. Les temps sens mais pas les personnalités. Des branleurs et des bras cassés dont personne. Personne n'a idée. Toujours à la poursuite du sang de ouf, du Saint Graal. On a pillé nos ancêtres en fils ingrats. Yeah. Yeah. On a pillé nos ancêtres en fils ingrats. Yeah. Premier semestre. Ha. Joe. Sika. Yeah. Sika. Ha. Je commence ma journée sur un café pète. L'envie c'est frites, mes buts c'est le fric, donc on va taper sec. Ma vie c'est ce rythme, entre vice et rythme. Tendance prise de rythme, quand j'en vise le hit, moi j'en pisse de rire, pas de comment j'ai taffé sec. Je commence tout juste à laisser pousser une tendance à la fiste, peu de chance d'être à l'affiche, à les écouter. Je me lance dans un classique qui t'a dégoûté. Et commence par faire la div dans des écouteurs. Je commence pas tant que j'ai pas prié le fageur. Lève mon index sans d'autres pense qu'à lever le majeur. Moi j'aurais pu, moi j'aurais dû, pff, rien à regretter. Je commencerai à faire les comptes quand j'aurais tout à regretter. Je finis toujours ce que j'ai commencé. Je fais du tout chousse. Et si je l'ai mieux que vous tous, hein, qu'est-ce qu'on en sait? La vie ça passe en deux secondes en fait. Et pourtant masque on en fait. On porte le masque, on se renferme parce qu'on a mal commencé. Yeah, yeah, tiki oh yeah. C'est fou les auditeurs, retourne leur jolie veste. Tiki oh joli vert, full feu comme Johnny Blaze. Et le monde se fige. À chaque fois que tu grappes, tu prends des risques. T'as confondu le rap et le retour du vendredi. Combien le fait, je t'ai pas donné le montant. Laisse tomber, je préfère prêter de l'argent que donner de mon temps. Hip-hop thérapie, madame la psy, les MC sont trop lents. Me font passer pour un hyperactif. Dans tes rêves, n'importe quel mec pique ma place. On veut tout ce qui brille comme Leila ou Géraldine Nakache. Le rap, tu comptes en vivre. All I need is one mic, mount mic. Et aussi d'un multiplice, se multiplie les rimes assassines. Pour le rime assassin, tuer les gens au mic, ça sert à Saint-Zinc. Kéfir dans les bacs, iTunes, allez le chercher. J'aimerais rapper, mais j'ai pas de texte et pas de thème. J'ai pas de tête, j'ai éparpillé des tas de dettes. Mon poids sur la balance, mais par l'idée d'être honnête. C'est trop bête, pourtant mon but c'est pas le thème. J'm'en bats les couilles du groupe LVMH. J'suis mal LVMH, même de la MDMA. J'ai la galère en ligne de mire, elle m'attend pour la lune de miel. En attendant, j'écris ce que toi t'appelles des lignes de merde. Découragé, on se prépare à faire face à toutes ces imminentes crises. Pas réglé par la main d'une éminence grise. On se fera pas séduire. L'hypocrisie vit au grand jour depuis que l'homme fait des coups en secret. On sévit sans vice et sans lice pendant que s'élise et s'enrichit. Ce dont se vite, si vite s'invite et fait figure d'exemple à suivre. Ferme les yeux, tu seras pas exempt de la suite. C'est pas Dieu mais les traders qui t'exhortent à vivre. Plaque tournante, les enfants terribles du rap. On est venu en force pour soutenir le poteau Kéfir. Si tu te procures pas premier semestre, c'est que t'as mis un truc à côté de la plaque mon pote. Yeah, où sont premier les semestre, Kéfir, yo, ok. KEFYR, yeah, ok. Ça fait, tu fais le blindé dans tes clips, hein. Tu fais le blindé dans tes clips, tu becs des assets de patate au beurre. Si je me sous-estime, c'est uniquement pour n'être qu'à ta hauteur. T'es pris de vitesse car je veux régler ton carapidos. J'hésite à te shooter comme un flic US 20 un albinos. T'es loin d'être fort frère, si t'as poussé que de la fonte. T'es à côté tes pompes si je te considère hors pair. C'est de bonne guerre, t'as mon stylo en travers la gorge. J'ai tiré sur tes cordes vocales et je vois que tu galères à mort. Parfois j'ai la rage, le démon qui entache l'ange. Je ne vendrai pas mon âme au diable pour éviter la page blanche. Gacité en face d'un ou contre discutable. Technique discutable comme les efficacité d'un vaccin. Mais tes pires ténèbres, c'est Kéfir qui maîtrise les verbes. Retourne-moi tous tes potes et tu verras qu'il est triste de perdre. Je reconnais de loin les MC qui méprisent le dictionnaire. Si j'aurais su, j'aurais pas eu à l'écoute une crise de nerfs. Yeah, KEFYR, premier semestre, smart. Yeah, je me sens à l'étroit quand la plupart des gens pensent à l'étroit. Qui prennent le large sans quitter bord en fait, toujours au même endroit. C'est quoi la vie à part ce qu'on y a compris? Ce qu'on y accomplit, c'est qu'on s'y a trompé dans ce qu'on nous a appris. Moi je rêve plus et j'ai peur de rester en sommeil. De préférer mille fois mes songes aux rayons du soleil. De détester les incrédules tout comme ceux qui nous manipulent. Puisqu'ils sont chacun dans leur bulle et n'aperçoivent pas l'opercule. Que faire lorsque s'impose autant de questions? Quand l'oppression des hautes sphères prennent le pas sur la raison. Être une connerie, non merci, j'ai bien grandi. Changement de stratégie, voici une connerie. Curie, non personne parle à ma place. Je viens briser la glace, je veux pas laisser ma trace. Dans un monde de perdition, je ramène un peu d'audace. Yeah. Sans eau dans ma vinasse, des lyrics efficaces, car je veux de l'attention. Yo, yo, ça fait comme ça. Allez tout le monde, tous, yo. Lève ta main si t'as l'esprit hip-hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip-hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip-hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip-hop, yeah. Yo, flashback sur ma life, j'rappe depuis l'âge ingrat. Et à cette époque, y'avait un script hip-hop dans mon agenda. J'me souviens des Posca, quand yo bombé Gerta. Exprime sur les murs l'artiste qui sommeille en droit. Artiste, graffiti, hip-hop, solidarity, peace. Unity, love et notre philosophie. Esprit conscient exigé que notre rang ça plus négligé. Pour que les wack restent figés, qu'on puisse enfin tous émerger. Les vraies valeurs d'un MC, restez dîner concis. Un flow construit, pas de mensonges dans tes récits. Mike, 1 de 1 de graph ou rap. Je faisais l'un d'eux entre fat cap et boom bap. Grandissez le petit merde, yo. Check mes phases, reste en place. Les wacks lassera les baffes. Quand on prend le microphone, on fait trembler tes baffes, yo. Lève ta main si t'as l'esprit hip hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip-hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip-hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip-hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip-hop. Parle-moi d'amour et d'amitié. Fais-moi rêver, j'n'ai besoin que des belles pensées de deux hémisphères entiers. Je veux augmenter mon chi, choper de l'énergie dans tout ce qu'il y a. Éclater le mal avec un Tenkidama. A tout parfaire, la vie devient fausse comme une routine sans tâche. Y'a quelque chose qui manque dans cette routine sans scratch. On perd nos armes de vie. fut dans nos rêves de diadème. À croire qu'on tord que d'un œil le troisième. Demande pas là si l'on t'y mettra. Les bien partants ne cèdent pas. À croire qu'on se sert mieux les coudes sans bras. Yo, j'ai beau tailler le troupeau, les popos. Dans mes propos, j'étais parti du lot. Appelle-moi Renault. J'ai cerveau lavé, déconnecté de la réalité. J'ai 100 patates à donner à mes trois télés. J'y ai pensé des milliers de fois à me barrer avant de devenir taré dans mon 20 mètres carré. Lève ta main si t'as l'esprit hip hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip hop, Sika. Je sais que des albums, moi j'en ferai pas 50. Tu fais de la bonne d'un môme et c'est la retraite dans 5 ans. J'ai pas le goût de rire, pas le moral sûrement. Tu verrais ce que je crache tous les matins, y'a rien de rassurant. Les moments rares me manquent, je prise l'armement. Les larmes montent, on m'entend rarement. J'aimerais me barrer, mais qui verra sûrement. Problème de confiance, j'y arrive pas, les yeux fermés. Je garde un œil ouvert et c'est pas pour mieux cerner. Un mec, un grand talent sur des talons, peut étaler un étalon sur 20 talons. Il n'en dit pas long, faut te préparer à ce qu'elle t'allonge. Fous d'elle sa tronche, pour la prochaine ce sera vache fou d'elle. Moi je me fous de tête à troncher. Lève ta main si t'as l'esprit hip hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip hop. Qui peut prétendre avoir ramené un style? Où est Chicky Ho? Parti chercher l'inspi, yeah. Qui peut prétendre avoir ramené un style? Où est Chicky Ho? Parti chercher l'inspi. Un Renoir des terres à un avenir. Mon âge n'est pas encore sec. J'ai ramené l'inspi à la laverie. Oh les mains, on est là pour dire ce qu'on pense. Micro sur le balcon, les pigeons pour faire les pistes d'ambiance. La malchance, je ne crois pas en ce genre d'arnaque. L'inspi quand j'ai la dalle, l'estomac dans mes Jordan 4. Ma bouche un gun, donc je dégaine en toutes circonstances. Je m'inspire des meilleurs Biggie. Big Ben m'inspire confiance. Comme un gosse derrière son écran. Mes gars sont d'accord. Citation pas comme la tentation est grande. Je m'inspire toi de fin de la vie. Tout toi qu'elle n'avait. Je voudrais m'inspirer de mes rêves. C'est bizarre, je m'en rappelle jamais. Je m'inspire de mes ancêtres. T'es pimenté, peu importe. On s'est tous inspirés du king de la pop. Si les dans le d'inspire, pourquoi t'es sorti pas? La galaxie est immense. Demande à Georges Lucassier. Lève ta main si t'as l'esprit hip hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip hop, yeah. Lève ta main si t'as l'esprit hip hop, yeah. Lève ta main. KEFYR, ça sort quand? C'est sorti. C'est le Nocturne 100% en français. Nocturne 100% en français, KEFYR. Je vous annonce que je suis en galère parce que l'ordi vient de planter à l'instant. Le temps de rappeler 2-3 choses, évidemment. Qui fait du beatbox? Voilà. Je peux faire un a cappella si vrai. Allez, on y va. Allez, a cappella. Les fous sont-ils plus fous que nous, les normaux autoproclamés? Attends, on va recommencer le beatbox alors. Ok. Les fous sont-ils plus fous que nous, les normaux autoproclamés? Est-ce que les guerres sont programmées? Est-ce qu'on les a gagnées? Pourquoi nos corps se nouent devant les belles femmes? Pourquoi j'ai ce mal de crâne? Tout est flou, t'es comme sous cam. Qui sont vraiment mes pires ennemis? Est-ce que c'est la rancœur transparaît? Est-ce que je les tuerais si je pouvais? Vaut-il mieux planer dans le mensonge? Est-on plus heureux? Est-ce que l'homme disparaîtra sous une pluie de feu? Suis-je jeune ou vieux? Altruiste, intéressé? Est-ce qu'une herbe boule au fou? Une pause club café? Y a-t-il plus beau que de mettre un corps au monde? C'est la question trop. Aveuglé par l'amour ou la haine, peut-on discerner le fou? La solitude s'apaise, lourd. Je commence à me demander si je serais pas mieux mal accompagné. On nage pas dans le bonheur, dans le vin. On aura des chagrins. Est-ce qu'on se révoltera, qu'on se mixera au prix du pain? Premier semestre. KEFYR, KEFYR, premier semestre. Faut se le pécho, premier semestre. Ah, ok, yeah. MC Joël, Black Tournant, je le présente, tiens. MC Joël, okay. Yeah. L'original est à bout de souffle. Les faux MC ne manquent pas d'air. Faut rêver plus de pauvres, de gosses et de mamans que pain d'air. Où est passé le fond? En quoi aimes-tu la vie que tu mènes? Prêt à déformer tes propos pour quelques vies que tu ailles. T'aimes parler, ce serait bien que tu puisses le faire sans le dire. On en a marre de tes conneries et on te le fait sentir. Reprends tes droits, continue tiens sur le mercantile. Dédicace au radeau qui rêve d'une mer tranquille. Ils se croient spirituels, avec le cœur investissent l'or. Je vais t'apprendre un truc que même les salafistes ignorent. Pour toucher le fond des choses, ils vont tous à la fistinière. Mais les pères d'aujourd'hui n'en sont pas moins les fils d'hier. Mon épique est programmée, elle frappe pas sans le vice d'Hitler. Une épopée trop crade et terne, poil dans la main pour gratter ce thème. Folie discrète, j'ai mon binôme pour la tester. Stylo schizophrénique annonce la paix quand les pourparlers se tiennent. Fou droit, si je m'y tonne. Chicky O, plus rien ne m'étonne. Les noirs ont eu maudit, je déconne. Bon mic, dernier à la PSP. Black story, du genre à la clé. Respect, paro arrogant, en mode Willy Women. Alors tu sais tête, c'est pas tous les chemins qui mènent à Rome. Putain de mec, vivre comme un con ou mourir comme un putain de nègre. Je butine plus d'un mec pour sortir de là. Je n'ai que l'as de pique, ton son est de guélasse. Nègue, nègue, wesh, t'explique. Bon à rien dans le précipice. All I need is one mic et aussi d'un multipiste. Je multiplie les rimes assassines, d'où le nom d'assassin. Tuer les gens au mic, ça sert à ça, zinc. Pour qui est fier sur Skyrock, iTunes, EP, allez le chercher. Samsara. Ok, ok, ok. Tu vois la lumière au bout du tunnel, étincelle dans la prunelle quand je ferme les yeux. Tout n'est pas si cruel et pernicieux. Vieux, on passe de moments graves à des moments de grâce. On est là, c'est des larmes de lave qui m'ont gravé la face. C'est tout ça, c'est peut-être qu'un aller-retour et c'est tout. Perdu dans ce mystère, nous, on suit les cailloux. Le bonheur est à côté, funambule de métier. Tu peux l'effleurer, le toucher, mais faut pas trop le pousser. Pousser en pleine conscience de ma crise d'adulte. J'ai pas lancé la science, mes croyances à la catapulte. Si je pouvais revenir en arrière, j'irai de l'avant, j'ai blackouté, plaqué le passé pour le moment présent. Et j'ai ce que je fais, t'inquiète, j'ai pris mes décisions, elles ont pris perpète, j'ai écoulé dans le béton. Dans ce nid d'abeilles, on pâlit, esquive, pique comme un lit, flotte comme des papillons entre chaos et harmonie. Yeah. Entre chaos et harmonie, yeah. Flotte comme des papillons entre chaos et harmonie. Un kéfir, premier semestre. Un kéfir sur Skyrock, premier semestre. Yo. Un Flint, Flint, classique du rap français, mec. Un, ok. On est marginalisé, ça a tort. Et les plus forts dépriment. Trop de faits qu'on déplore, alors accusé des plus corps des crimes. Le rap restera le moyen de m'exprimer. Je me fous des doyens païens qui rêvent de me voir m'exiler. Je suis plus un mec stylé, je marche à côté de la plaque. Lance un pavé dans la flaque, celle qui sert pour vous selfiser. Ou vous diviser avec la peur pour aboutir. Pour ensuite s'abrutir devant les discours d'Éric Zé. T'interroges-tu quand tu partages l'opinion publique? Je suis pour la République et bien sûr la liberté d'expression. Pas celle à deux vitesses ou deux poids, deux mesures. On fuira à l'usure si pas de changement jusqu'en 2016. Je rappe ce texte en craignant de faute de 2017. Un reportage télé vaut plus que 2000 disquettes. Je fais le pitre quand je parle sérieux, je rougis. Je suis comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre je vide. Je ne suis pas dans les rangs, bonhomme à part dans l'errance. Ici peu sont tolérants, on aime te pousser dans les ronces. Peu de chance d'avoir une place, même venue en avance. On se mord la queue, on tourne en rond, l'attente est sans fort taux de latence. Tu as des limites. T'es une ligne entre nous, j'ai des limites et je pense être au bout. Je viens militer avec humilité, même si l'intimité n'a plus d'immunité. Tu vas tituber après l'intitulé, je sais qui tu es, toi tu sais qui tu es. L'amour tu l'as pris, tu l'as prostitué, mais un jour tu seras prêt à nous le restituer. Yeah. C'est pas le taf qui fait la vie, je ne t'apprends rien, on est biaisé comme dans une prise d'otage. Les mieux lotis sont dans le WC. Je prends position, pas celle pour, contre un mouton. Je veux le berger, son bâton, qu'il réponde à mes questions. Pourquoi faire sain quand tout est impliqué? Tu as transformé l'humain à l'insu de ton plein gré. Franchement t'es fort et tu ne manques pas d'intelligence. Alors je respecte ton talent mais pas ton manque de diligence. Écoute, toi l'homme en rouge du haut de ta pyramide, me voici en pyramide et sache qu'en bas les choses bougent. Ce n'est que le début comme l'a dit le poteau Alvin. Entre anges et démons c'est encore dur de se faire un avis. Qui veut quitter le navire? Qui veut y rester? Combien ne veulent plus fuir? Combien seront détestés? J'ai la science confuse au point de me tester. Pourquoi le contester? Aucune excuse n'est à prêter, yeah. Plus d'intérêt pour la piaf que pour le barman. Je manie la gueule et la langue de bois, c'est pour ça que je parle mal. J'aimais les mots, les émots, les démons. J'étais mort, maître et beau, des démons à battre et des démons à gravir. Autour de moi, c'est gravi. Je vais pas te faire un graphique, je vais le doubler, c'est grave vite. J'en ai marre de toutes ces conneries. Je fume trop, je suis détendu. Je vais finir par choper des vergetures. Je traîne pas en bois, tous les salopes trouvent des verges dures. Je préfère passer mes verges dures à me faire choper les verges péra. Y'a pas de problème, MC Joël, etc., etc. On est là pour kéfir. Premier semestre. Premier semestre, yeah. C'est la merde. Yo, kéfir, KFYR. 1. Premier semestre, allez le pécho sur iTunes. Sur Spotify, sur Deezer, etc. Vous pouvez le pécho partout. C'est KEFYR, MC Joël, Samsara, Sika, Jomai, Smad, Pyromane, Diogène, Benjamin, Alexandre, Jonathan, yeah. Et marche à l'ombre, SP, toute la clique, mon pote. Un. Yeah, Samsara. Ok. Ok. SAM et SAERA au microphone. Kéfir, premier semestre, ça fait. Ok, yo, rappeur par défaut, pianiste dans la mon fond. J'ai effleuré les notes et laissé un cadenas sur le pont. Au katana, au shuriken, j'ai défendu ma zigmune. Mais face au bouton rouge, c'était peine perdue. Faire ton clapet tant que la bête perturbe. J'ai taffé trop dur, souhaité l'arrêt, mais l'instru perdure. Le rap, je continue pour roi, mais j'en ai plus rien à foutre. Marre de sembler la vie des autres, faut sortir de la boucle avant. Puriste était ma profession, maintenant je respecte tout et tout le monde. Fonce, profite de tout si ça te plaît. Les choses évoluent même si j'ai voulu le nier, c'est vrai. J'aime le classique, le jazz et la soul. Ouais, il faut même un peu d'électro, mais quand même pas trop. Je passerai de la chenille au papillon. Mais quand un jour je pense, de nouveaux horizons m'attendent. Yeah, yeah, Chiki O, Sky the Limit, Nico, yeah, Kefir, One Mike Sons, yeah. J'ai pas ouvert une brèche en 10 ans. Si je ne suis pas mort, c'est parce que je m'inspire des légendes vivantes. Pour un autre, mais aussi les masques. Peu s'inspire de Scarface, bref, c'est la magie du cinéma. Rappé à leur dire, on est all dealer. Rapologiquement, je m'inspire des serial killers. Précieuse liberté d'expression. Tu veux me pêcher de saouler les gens, je m'empêche de la bonne direction. Je fuis le désert, j'ai trouvé l'inspi dans la filmographie de Denzel. Mais sans vouloir t'offenser, je m'inspire peu de ton rap, c'est franc, afin d'éviter les fautes de français. Je suis cet homme que tu croises tous les jours, d'apparence simple, à qui la vie ne semble pas jouer le tour. Pourtant, celui qui froisse les pages quand d'autres les tournent, celui qui pense à toi en doutant de tout, ce mec qui pense à boire quand d'autres étouffent, celui qui passe du costard au G-Star, puis au bas de survêtre, ce type qui pleure et qui déteste qu'on prenne sur le fait, qui à 16 heures se livre et traîne sur le pet, qui a cette peur de vivre et se met en miettes. Je suis ce môme qui cherche le passé dans un miroir, qui aime le regard de son père mais voudrait bien s'y voir. Celui qu'on appelait Rémi, le film, j'ai dû le voir bien 6 fois. Époque lointaine, 28 piges après mon cœur, le plus atteint c'est le foie. Je suis ce pote parfois maladroit qui dit rarement je t'aime. Normal à force, t'aurais du mal à le croire. Celui qui n'y croit plus même quand il mate la 3. Un jeune de plus qui dit tu mates la droite. Yeah, K-E-F-Y-R 1. Ok, prends ce texte comme un constat sur les valeurs humaines. Kéfir. Hey, une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions. Yeah. Une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions. Yo, une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions. Ok, une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions. Ok, ok, tu fais le plein des dents tes clips, tu becques des assiettes de patates au beurre. Si je me sous-estime, c'est uniquement pour n'être qu'à ta hauteur. T'es pris de vitesse car je veux régler ton cas rapidos. J'hésite à te shooter comme un flic US devant un albinos. T'es loin d'être fort frère, si t'as poussé que de la fonte. T'es à côté de tes pompes si je te considère hors pair. C'est bonne guerre, t'as mon stylo en travers la gorge. J'ai tiré sur tes cordes vocales et je vois que tu galères à mort. Parfois j'ai la rage, le démon qui entache l'ange. Je ne vendrai pas mon âme au diable pour éviter la page blanche. Gars, si t'es en face d'un ou contre 10, technique discutable comme l'efficacité d'un vaccin. Mais tes pires ténèbres, c'est Kéfir qui maîtrise les verbes. Ramène-moi tous tes potes et tu verras qu'il est triste de perdre. Reconnais de loin les MC qui méprisent le dictionnaire. Si j'aurais su, j'aurais pas eu à l'écoute d'une crise de nerfs. Yo, à tout ce marché sur les yeux, faut des semelles de plomb. J'ai fait moins de thunes avec l'album qu'en une semaine de plonge. Alors dis-moi, qu'est-ce que je dois à CPA, super rien. Dans ce game, y'a rien à choper. Le rap n'est pas une religion, y'aura pas de martyr. Dis, si je me flingue, est-ce que pour toi je ferais de la tuerie, ça se clarifie. J'étais dans les choux depuis la naissance. J'essaie de pas faire d'étincelles, mon écho pue l'essence. Je vois pas mon avenir au zénith, je préfère laisser aller. Gratter quelques cordes, les pieds dans l'eau salée. M'amuse, c'est ma dépression, tu pars d'une affaire. Quand je vais bien, j'écris pas, non. J'ai mieux à faire, frère. En mode yes man, n'attends pas que le ciel te gronde. Tu trouveras ce que tu cherches en dehors de ton petit monde. Alors fais le premier pas et on avance, te plaît. Une fois changé, dis qu'il n'y a plus qu'à appuyer sur play. J'ai un bail que j'ai pas fait de sourire. Que ma joie style, même pas un trou de souris. Les proches se rident et les potes surinent. Avec le temps, j'ai compris sur le gâteau, et ben y a pas de cerise. On vit une fat story, même si tout ça passe trop vite. Donc il faut que je taffe mes rimes pour que tout ça soit terrible. J'ai pas choisi d'écrire, j'ai pris le stylo, c'est tout. Juste un semblant d'avenir pour un monde qui s'étouffe. Noyé dans mes pensées, moi je sais pas nager. Mais si j'avais appris, j'en serais pas là, t'sais. Je fais du son triste, je sais que tu danseras pas là-dessus. J'ai quelques fans sous l'exomile, je mettrai 100 balles là-dessus. L'ambiance c'est souvent ça, les mecs sont souvent sous. Accès sur mon son, sur scène je ressens la pression sous mon cou. Ma vie a rien de palpitante, j'écris à l'heure où y'en a pas mal qui dansent. Perso, je vois vraiment pas ce qu'ils tentent. Nos choix sont peu nombreux, pire c'est du face au pile. Yeah, Smad. Yo, yo, yo. libre et indépendant. Mon calibre est incandescent. Classé penchant pour la rime, j'emmerde vos firmes de condescendants. Je l'écris en lettres capitales, car chez moi ça ne crie pas. Je rappe, c'était inévitable, comme la quenelle d'un LK. J'arrive en paix sans rien à prouver. Celui qui cherche saura me trouver. Qui est cool et qui est doué, rien à foutre de vos préjugés. Mon blaze est SMAD, pure produit du terroir. Mes faces sont dévorées, les tiennes restent dans du perroir. C'est l'équipe One Mike, au complet on t'embarque dans la soute. On enquille sur un strike, à chaque couplet qu'on ajoute. D'oublie le swag et les paillettes, les histoires de mitraillettes. Je n'ai pas la bague au doigt quand toi tu l'as sur la gâchette. Tiens, on va comprendre rap comme une thérapie. Qu'il suffit nous loter pour nous ôter la vie. Laisse-nous écrire le présent, toi qui dis nous souhaiter l'avenir. Quand les milices s'enlisent, ici les sourires s'élargissent. Et si les souris dansent, les chats sont proprios de la boîte de nuit. J'ai les moyens de me défoncer, poteau, mais pas te nuire. Je cours après les risques, c'est pas pour attraper la mort. J'ai meilleur compte à sortir, fracasser un porc ou me fracasser à mort. Et me faire choper par un porc. Décidément, ce soir, c'est vraiment pas ma soirée, hey. Mag. Axel, FYR, MC Joël, on est où? Premier semestre, hey. Hey. C'est vrai. Je suis pas le mec le plus idéal. J'écris des textes afin de me vider l'âme. Mon écriture est l'éponge de ceux qui m'entourent. Ce qui me rend fou, c'est les cris des proches qui me rendent sourd. J'suis bloqué dans mon passé, à dire vrai. Trop de choses que je n'ai pas su même à me livrer. Ouais, je me regarde dans le miroir, je vois des morts remords. Hein, dans les déboires, je bats des records. J'ai ce don de tout mettre en échec. Je me dégoûte, je transforme mes victoires en défaites. Un vrai fou, j'ai mis des doutes dans mes rêves. Je me défoule, le rap comme tout le temps. L'air. Envie de me barrer, j'en ai plus cassé d'ici. Le bien rétréci et le diable à ses disciples. Pour le combattre, c'est simple, j'écris ces quelques missives. Mais j'ai des lacunes, j'assume pas un tel déficit. Hein. Ma vie laisse-moi vite et lentement. Ma vie passe vite, loin vite et lentement. Je trouve aucune excuse à mes manquements. Je connais peu mon père et pourquoi il me manque tant. Très tôt, j'ai appris à faire le grand écart. Un divorce puis une fratrie que le temps sépare. Hein. Tellement mal à l'aise dans ses gardes. Je vous aime, mais je me rends compte que quand c'est tard, on ne repasse pas par sa jeunesse, on s'égare. Et quand les souvenirs renaissent, on se fait rare. Tu vois, tu connais ces soirs de déprime, ces idées noires où te suicide déprime. Je les efface grâce à l'écriture cathartique. Je pratique et quitte à repartir, autant laisser des traces de ces histoires, ces questions existentielles. Je suis en vie, je crois que c'est là l'essentiel. Je suis en vie, je rappe, je crois que c'est là l'essentiel. J'ai pas le goût de papoter, rien à te raconter. Je crois bien qu'elle envoie un autre à côté. J'ai le trac en fait, le vrac en tête. Un bike, moi et la joie, on n'a pas fricoté. Problème de fric en tête, fille en toc. Coup de pute de pote pour une heure au poste. Je ressens un point de côté, pourvu que je me repose. J'ai le goût de meurtre en prose, j'ai eu mon lot d'embrouille. Je galère chaque mois pour blinder la tambouille. Mais la tente bouffe, donc je tire des lattes en bout. Dis que c'est là, je chante bout, mixe si c'est là, je m'en fous. Pas le goût d'être loin sans vous quand tout semble flou. Poignée de vrais qui souvent me tiennent bien loin des 10 ans de trou. Parfois en mes 10 ans, je trouve ma joie de vie sans le souffre. Bientôt 28 à le retour sur la berge. Pour le suivant, faudra prévoir la perche, envie de quitter le bassin, j'ai plus la pêche. Mais bon, paraît que même au grand bain, ça pue la dèche. J'ai plus la fête, dire que c'est l'âge bête, j'ai plus l'affaire. Je termine ces deux mesures, promis, et puis je la ferme. Prends soin de mon rap comme ma promise, ma perle. J'ai malgré tout le goût de vivre, et là j'en symphonise la perte. Yeah! Ok, j'en symphonise ma perte. Encore une chose, on est comme les autres, ouais. Le temps passe et rien de chance. Apparemment, y'a pas tard dans ma France. Mauvaise nouvelle aux infos, je m'estime heureux relativement. Mais dans les faits qu'ils relativement. On instaure la terreur autour de problèmes annexes. Pour mieux nous abrutir à tourner manège. Le terrorisme en France fait quelques morts chaque année. 100 000 pour le cancer, y'a pas de quoi s'alarmer. Grâce à mes impôts, aujourd'hui un civil est mort. J'paierai plus au moins l'argent que je fais au black est propre. Tu veux la paix, fais la guerre avant qu'on achève la terre. Je sais pas toi mais moi j'ai la conscience amère. Comme à chaque époque on vit dans le faux sans vraiment le savoir. Tout ça sera prouvé dans quelques siècles d'histoire. Je suis sceptique comme un aveugle qui croit qu'en ce qu'il voit. Aucun auteur de l'époque n'a cité le mec sur la croix. Je te livre les pensées d'un chômeur en fin de Troie. Tu me vois pas, je suis caché dans un cheval de Troie. Dans un cheval de Troie. Où est le bien, où est le mal, où est le vrai, où est le faux, où est la pute, où est le mac. Intérêts économiques et quête de pouvoir. Pourquoi attaquer la Libye et puis la Côte d'Ivoire? Je rêve pas de palace, de liasse ou d'une femme en laisse. Une grosse caisse seulement pour accompagner la basse. Retour à la case, départ la vérité presse. Passe ton tour à la barre si tu ne supportes pas le stress avant de me juger coupable. Écoutez-moi si j'ai tort. D'ici je regarde les étoiles, je les toucherai qu'une fois mort. Profitez de ma vie dans ce monde sans salir le décor. Sans saliver je dévore, mais je ne suis pas une bête immonde. Moi je suis qu'un homme et j'ai la tête sur les épaules. Pas en phase avec cette époque, alors j'assume un mauvais rôle. Tomber les masques, abattre ces murs qui nous séparent serait un départ pour tous ceux qui se démarquent et ceux qui marchent au pas. Je n'ai ni le remède, ni la solution exacte. J'ai beau prier Andromède, mais ces chaînes restent intactes. Ah, je cherche le point d'impact entre mes désirs et mes actes. Se tourne la page d'impact. Yeah. Classic rap, c'est franc. Attends, entendu quand le Chiki-O retentit. Ah, yeah, Chiki-O. As-tu entendu quand le Chiki-O retentit? C'est hostile quand le Chiki-O retentit. Capricorne, c'est mon signe. J'suis le gars, tu maîtrises le dirty qui vient des Noisy. MC, pack sous les aisselles. J'ai l'esprit tout pack. Gardez l'âme sous le Sam, sous le mais j'essaye. La concurrence, elle ne peut me doubler. Chiki-Jo, ma NW, NW, hey, hey. Pour tous mes gars qui tous les soirs charbonnent. Annonce notre arrivée comme au Madison Square Garden. Tu m'aimes pas, c'est toi que ça regarde. Les Renoirs trouvent ça bad. Le grand écart, nous on t'éclate fois deux. En maison de 10, ça fait tout le temps le bouffon. Je dessine les MC qui marchent en troupeau de moutons. Je dessine un avenir pour mes semblables. Il suffit pas d'avoir la peau noire, de faire genre que t'es là pour moi. Je règne comme James Dean, règne comme Gengis Khan. Une chose est sûre, on pira mon style sans gêne si je canne. On serait peut-être parti, mais mes mixtapes seront là. Et les fans les jetteront dans la gueule des têtes d'affiche. Le radio maille, mais y'a un petit bémol. Je finirai au Père Lachaise car je ne parle ni au love ni créole. Mais si demain c'est mon cercueil à moi qu'on verrouille, même si j'ai remarqué ton putain de cul ouvert rouge. Vouloir être le meilleur, c'est qu'un concept de mec. Compte pas sur moi pour aller à tes concerts de merde. Demande leur avis à d'autres, moi c'est concret, j'te baisse. J'm'en bats les couilles de la mort, ton rappeur préféré du parquet qui défère. Des avis différents, des gens qui glissent, des gens qui fliquent et des grands qui défilent. J'ai pas le succès comme il est fixe. C'est pas une grande maison, rappons pas n'importe quoi. Le mic c'est pas un étendard, le mic c'est juste un porte-voix. Le mic c'est juste un porte-voix. Artiste accusant un manque flagrant de sommeil. Je me réveille bien avant que le jour se lève. Yeah, un soir d'octobre et beaucoup de signes sur la tablature. Trop de messages et toujours aucune signature. Un avenir si pâle, un ami sur un lit d'hôpital. Je voulais toucher du poids, je touchais du doigt les épitaphes. Une flamme s'éteint, j'ai pas vu la première goutte de cire. Pas le goût de le dire, j'ai peur de tout, ça me coûte le pire. Y'a que des feuilles brunes en bas de nos arbres généalogiques. Enlève un carreau de la mosaïque. Période triste et morose, un flingue derrière un poteau rose. Plus d'énergie, le majeur noyé dans un verre d'eau jaune. J'en ai craché de la pile sur toutes ces lettres, un encreinte et les piles. Le pape se dégrade, les mots s'égarent en film. L'amour est parti avec les poignées, un sexy et ça. Tout ce que j'avais quand j'ai vidé mon sac. Ici les regards vides et dépités s'évitent. Ma grande patrie, j'suis triste par empathie. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Yeah, KVF Recker, premier semestre. Ça fait putain. Je suis pas fan de la vie que je mène. J'apprécie quelques instants, mais je peux pas dire que je l'aime. Je me démène à paraître heureux sous ma carapace. Et si je n'ai pas la baraka, t'inquiète, je me démerde. Je suis solitaire, j'affronte mes problèmes seul. J'évite la route des charognards comme Mortensen. Issu de l'immigration, j'ai l'habitude qu'on monte de l'index. Bientôt l'expulsion, pour ça ils vont prendre un texte. Un morceau de tissu, au bord de la mer. Le vivre ensemble est fichu, c'est un bordel amer. Les médias nous montrent les uns contre les autres. Pour que l'État accentue le contrôle des zones. Dis-moi, les caméras te protègent-elles? Aberrant, on est des animaux dans le même cheptel. Toujours été fier de mon drapeau français. Vous me dégoûtez tous, c'est vous qui l'avez trop offensé. On prend les haines et on recommence. Et pour la bêtise humaine, il n'y a pas d'ordonnance. Ils aiment la provocation, mais qu'elle soit sans suite. Ils veulent une guerre de religion et nous un mai 68. Et nous un mai 68. Ils veulent une guerre de religion, nous un mai 68. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Un peu de poudre aux yeux et l'illusion sera parfaite. On peut friser la dérision, moi j'appuie sur reset. C'est qu'à pas de recette, pas de magie, personne réagit. Le monde est stone en léthargie, regarde il groupe sous les têtes. Tu ne vois pas ta face est voilée, allez va faire un tour sur la place. Mat ce ciel, étoile et fallait tout nettoyer, la toile est grande, ta faille te noyer. Devant l'écran on plonge tous, mets-toi la tête la première. Un brin de fumée, autant je tousse, autant je discerne la manière. Derrière ils poussent leur propagande, moi je reconnais leur bannière. Info pub, article de presse, un contrôle pratique des masses. Ils nous entubent dans tous les sens. Et nous mastique à toutes les sauces, même si t'es bête. Remarque qu'on baise avec une demi-molle. Crame tes rêves comme un pyro ou un tibet qui s'immole. Marre, trop de mots coincés dans la horte abdominale. Faut que ça sorte et qu'on punisse ceux qui rendent nos ados minables. Je suis contre mon gré, témoin de la faiblesse des miens. De l'autodestruction, j'aimerais pouvoir te montrer au vrai que de ta tête tu peux ôter ce truc sombre. J'ai eu aussi 18 et les idées noires de sens me voyaient dans une mare de sang. Là je suis cet homme qui en a marre de se rendre. Je suis ce mec dans son monde qui se sent incompris, qui compte ses chances et se dit que c'est du 1 contre 1000. Que c'est pas pour rien qu'on se mine, que même les siens conspirent. Qu'à la banque la confiance ils ont tous un compte vide. Je suis patriotique seulement si tu me parles de foot. Assez hostile si on parle mal de vous. Chez moi patriotisme faut se faire hostile car j'ai trouvé mon garde-fou. Je suis en première ligne s'il s'agit de jouer les coudes. Un conseil et crois ta meuf quand elle te dit que j'ai des couilles. J'ai des couilles. Conseil et crois ta meuf quand elle te dit que j'ai des couilles. Le blaze, c'est K-E-F-Y-R. K-E-F-Y-R. K-E-F-Y-R. K-E-F-Y-R. K-E-F-Y-R. K-E-F-Y-R. K-E-F-Y-R. K-E-F-Y-R. Yo, je me sais trop de mauvais sang. J'ai préféré me boucher les artères. Apparemment, on devrait m'amputer la tête par terre. Une bouffée d'un salaire. Mélancolique à vie, la maladie de Baudelaire. À tout somatiser, y'a toujours plus de 40 degrés dans le crâne. Vague à la main normale, on pense beaucoup trop. On en fait trop passer. Dans l'idée que tout sera copie du passé. Passé un âge, les feux se font la malle. Sur fond d'alarme, le mal du siècle se prend à l'âme. On tue à petit feu car trop indécis à essayer de stopper le coup par télékinésie. Je prépare une descendance amère. Et merde, de quoi je parle, j'ai même pas trouvé la mer. Ouais, ici y'a pas de bombe. Comme au Soudan, y'a des trous dans les pompes et des sous dans les tombes. K-E-F-Y-R. Yo, ça fait yo. Et dire qu'aujourd'hui on avance entre doutes et pauses. On l'a pas vu venir, on le sait tous, au début tout est rose. Et toutes les fausses promesses font écho dans un silence. Le fossé qui cimente entre nous est si immense. Attends une chance de pouvoir partager nos vies. Ou est-ce une dernière danse dans ce bal des conflits? J'ai pas la vie que j'imaginais, je suis loin du compte. Ce livre mal paginé écrit sous le tonnerre qui gronde. Alors c'est ça, on s'aime, ensuite on se dit adieu. En fait la vie c'est quoi, on essaye de vivre à deux. On fait le temps, on se dit avec le temps qu'on ira mieux. Et puis on se remettra ensemble parce qu'on se sentira vieux. On est incompatible, non, parce qu'on se veut du bien. Mais le quotidien est incompatible. Tant ça l'intensifie pour qu'on soit au bout de nos nerfs. Les coups de colère entre quatre murs s'intensifient. Dans les prémices, tous les débats ont l'air alléchants. Un conflit s'immisce, c'est notre putiste alléchant. Allez, je tends à te consoler. Mais je me sens un peu seul, t'es pas une boussole. T'étais la pièce, mais très un peu seul. Le temps nous fait croire les variations sémantiques. Pour s'apercevoir que dans les déclarations, c'est menti. On s'en grandit si on arrive à se relever. Une partie de nous a crevé, mais cherchons la paix. Comme Gandhi, ou un 11 novembre, pour déposer nos armes. Cracher ce qu'on a dans le ventre, cesser de bétonner nos armes. Remettons-nous ensemble et faisons le point, c'est mieux. Les souvenirs laissent un sourire au coin des yeux. Mais la mémoire nous rappelle toutes ces engueulades. Et plus je prends de l'âge, et moins je tente le diable. Ce morceau, une poignée de sable pour enterrer le corps. Car dorénavant, pour moi, c'est comme si t'étais morte. Un placebo, K-E-F-Y-R. Un Kéfir. Kéfir. Premier semestre, One Mic. Les minutes s'égrènent. Le silence n'est pas un oubli. On a des jambes, c'est pas pour les prendre à son cou. Mets tes mains sur les tempes et on lève si les clous. En trois mes loups, lièvre et tortue. Tu penses à penser pensu. On va pas loin, on voit les qui t'ont tordu. On a du temps mais on fait 60 heures de taf. Paraît que c'est courageux, classe, éclatère et plate. Ouais, à quoi bon traire la vache si tu bois pas son lait. Laisse tomber, t'es cultivé mais tu prends pas ton blé. On a la chance de partir reposer en paix. Perso je veux pas rouiller là-haut, je préfère qu'il y ait pas d'après. On a des terres inoccupées mais on se bat tous pour la même. Assassine au nom du père, amen. T'avais un cœur, ouais, avant qu'on te le mutile. Cherche pas l'utile, profite du ludique et du futile. Bref, pendant que la moitié du monde a l'écrou, la dalle. Ici certains sueraient pour perdre 21 grammes. Ici certains sueraient pour perdre 21 grammes. Yeah. Hey, c'est chaud. Je fais pas de manière, faut avouer qu'il y a matière à rire. Moi je trouve le moyen d'être que avant que la taille arrive. Je passe des soirées entières tout seul à m'éclater la rime. Je suis un rappeur, faut que je déblatère à vie. Un procès d'intention, tu me juges coupable et t'es ravi. Oublier le passé et l'avenir, ça c'est ma thérapie. Loin des phases et des valses et des masses aidées par un passager. Des phases et des bases et des troubles mentaux passagers. Faut qu'on débarque, on débat, débarque et parquet comme des rats. Suffit d'un pack et c'est fait part. Appelle-moi vite et c'est pas. Nique l'amour et c'est faire part. Ou la chance qu'on s'est fait bébard. Ici la PAC à l'auréole et moi j'ai pas le baccalauréat. Ok, je suis pas au cac comme L'Oréal. Enfant, j'étais un ange. Depuis, j'ai fait du mal à l'or et l'homme. Parfois, les tracas t'érodent. Mets une claque à ton réel. Ici, la baccalauréole. Et moi, j'ai pas le baccalauréat. crois que j'ai pas le baccalauréat. Yo. SMAD, one, le temps passe, on nous l'a dit. Je m'en rends compte chaque matin. La rue n'est pas le paradis. Du paradis, il n'en reste qu'un. Un. Le temps, yo. Le temps passe, on le sait. Je n'attends pas ça le son. Personne à la porte pour sonner sans raison. Et s'il débarque comme un souvenir, comme bac sur ma litre de mire. Faudrait être fou pour m'enlever mon litre de mire. J'aimerais stopper la grande aiguille ou la paumer dans une botte de foin. Sortir des rangs, partir en vrille loin de ces bêtes de foire. Les idées claires le soir finissent en clair du matin. Un jour de plus, un jour de moins, va savoir quand sera la fin. Quand sera la fin. Un jour de plus, un jour de moins, va savoir quand sera la fin. Yeah, yeah. KFYR. Je commence ma journée sur un café bête. L'envie c'est frite, mais le but c'est le fric, donc on va taffer sec. Ma vie c'est ce rythme, entre vie c'est rite. Tendance prise de risque, tant que j'en vise le hit. Man j'en vise de rire, mat comment j'ai taffé steak. Je commence tout juste à laisser pousser une tendance à la fuite. Peu de chance d'être à la fiche, je vais laisser écouter. Je me lance dans un classique qui t'a dégoûté. Et commence par faire la div dans tes écouteurs. Je commence pas tant que j'ai pas prié le fâcheur. Lève mon index quand d'autres pensent qu'à lever le majeur. Moi j'aurais pu, moi j'aurais dû, rien à regretter. Je commencerai à faire les comptes quand j'aurai tout d'un retraité. Je finis toujours ce que j'ai commencé. Je fais du tout chousse. Et si je donne le goût tous, hein, qu'est-ce qu'on en sait. La vie ça passe en deux, ce qu'on en fait. Et pourtant masque qu'on en fait. On porte le masque, on se renferme. Yeah. Yeah. On veut tourner la page, mais ce qu'on a construit nous bloque à chaque pas. J'aime bien, c'est loin d'ici, mais ça serait pas la barre. Paradoxal, tape des barres pendant les blagues à part. Le Sam Sarah dans la doxa, passe sa place. Tous paris au fond, ouais, lui comme toi et moi. Assurer la réussite en croisant les toits. Cette vie à le fond, et la forme et pas la couleur et le grain. Tout va s'écrouler, j'entends déjà que ça grince. Engouffe-toi dans la faille temporelle et qu'on reste assis quand ça paie. Réponds quand l'écho assis dans sa pelle. Je vois l'avenir en personne et voir ce qu'il me dit de faire. Je vois plus loin que demain. Mais les lignes de mes deux mains diffèrent. Repartir à zéro, c'est ça combat qui m'accable. J'paierai mes erreurs à chrome, j'suis accro à ma cam. J'ai cherché le soutien d'un esprit dans une fumée d'encens. Et j'paquerai tout sur un coup de tête avec 2 grammes dans le sang. Avec 2 grammes dans le sang. Eh, ça fait yo, yo. J'écris des rimes pour délimiter ma ligne de défense. Que ma vie est un sens avant ma déliquescence. Ces sens s'appellent chaque jour en plein parcours. J'pourrais me perdre un carrefour, finirai par manquer d'essence. La musique un moteur pour résumer sans s'étendre. Un exutoire problème, une oreille qu'elle est sans s'étendre. Et j'ai cette envie de tout cracher, m'arracher, me cacher comme un redoublant face au regard du mois de septembre. Certes avec le temps, toutes les peines sont passagères. Lorsque la coupe est pleine, elles conduisent une sattache guerre. J'fais partie de ceux qui visaient la lune sans y croire. Qui se disaient que le bonheur malheureusement n'est que transitoire. J'étais très sinistre et un brin pessimiste. Les petites crises finissaient en traumatisme aux grandes histoires. J'fais le pitre quand c'est sérieux, j'oublie où j'évite. J'suis comme une bougie éteinte dans une chambre vide. Dans une chambre vide. Hein, MC Joël, DJ, plaque tournante. Oui, ça va faire la prod. Plaque tournante. Nexion DJ, ma mère. MC Joël, moi c'est KEFYR. Yeah. Premier semestre. KEFYR. Hein. KEFYR. Yeah. K-E-F-Y-R. K-E-F-Y-R. K-E-F-Y-R. Ok. K-E-F-Y-R. Vous pouvez pas nous voir maintenant, c'est les mêmes corps commandes. Plaque tournante, on prend les mêmes et on recommence. Admets le mec, t'es là pour ça, alors commente. Si tu veux des freestyles, on t'en fait 15 à la commande. Attitude différente en fonction des gens qu'on fréquente. Nous, sur les bancs de l'école, on savait déjà qu'on fréquente. Je vais pas te faire un dessin, on est en train de parler musique. Agite ton cul devant le public, tu finiras par l'amuser. Usurpateur, les vrais Loki t'y a jamais touché. Tu continues de penser qu'elle Loki t'y a jamais couché. Pauvre fabulateur, j'ai la richesse d'un pauvre type. Tu me tournes le dos, j'évite ta face à vie, c'est ça le profil. Pourquoi c'est ça au profit et pourquoi j'ai mal à la tête. Quand pour moi tout va trop vite, je partage pas mon mal-être contre tout et de vie. C'est vrai que cette balade m'a peut-être permis de douter de vivre. Yeah. Les fous sont-ils plus fous que nous, les normaux autoproclamés? Est-ce que les guerres sont programmées? Est-ce qu'on les a gagnées? Pourquoi nos corps se nouent devant les belles femmes? Pourquoi j'ai ce mal de crâne? Tout est flou, t'es comme sous cham. Qui sont vraiment mes pires ennemis? Est-ce que je sais, la rancœur transparaît? Est-ce que je les tuerais si je pouvais? Vaut-il mieux planer dans le mensonge? Y est-on plus heureux? Est-ce que l'homme disparaîtra sous une pluie de feu? Suis-je jeune ou vieux? Altruiste, intéressé? Est-ce qu'une heure pour le veau? Une pause clope, café? Y a-t-il plus beau que de mettre un corps au monde? C'est la question trop. aveuglé par l'amour ou la haine, peut-on discerner le faux? La solitude s'apaise, lourd, je commence à me demander si je serais pas mieux mal accompagné. On nage pas dans le bonheur, dans le vin, on noie des chagrins. Est-ce qu'on se révoltera quand le smic sera au prix du pain? Hein? Est-ce qu'on se révoltera quand le smic sera au prix du pain? Ce qu'on veut c'est que derrière nos gueules d'ange, je ne t'imagine pas que les ailes tombent, que chacun de nos couplets garde sa magie. Pour ça je m'efforce de donner le ton. Yeah. Ah. Nas, the message. Ce qu'on veut c'est que derrière nos gueules d'ange, je ne t'imagine pas que les ailes tombent, que chacun de nos couplets garde sa magie. Pour ça je m'efforce de donner le ton. Je veux qu'on comprenne si j'ai la tête dans les nuages et que je rêve d'être une météorite. Qu'on n'oublie pas comme armature n'était qu'une théorie. Que si je prie Dieu c'est que j'ai trouvé mon armature et que je ne suis pas un terroriste. On veut que chaque poucave chope des herpès, que la volaille garde un herpès. Pouvoir dire je t'aime sans dire que l'autre frôle le hors-piste. Ouais, on voudrait Coluche et ses restos et trois étoiles. La vie un mec trop louche assez costaud devant qui on croise toi. On veut pouvoir dire aux jeux qu'ils ont l'argent mais pas le cœur fait pour qu'il y a papa maman alors qu'on a que la sueur comme seule issue de secours. Montagne de rêve et déjà trop de secousses, moi j'ai qu'un 16, c'est court. Je retiens mes larmes avant que le beat se coupe. Yeah, hein. Je retiens mes larmes. Ok, yo. Prends ce texte comme un constat sur les valeurs humaines. Regarde tes cernes, regarde un peu la pâleur que tu traînes. On n'a pas tous des mots moralisateurs comme fin. Et la fatigue est nos dénominateurs communs. Le fléau d'une vie d'adulte et le mal de dos. Et les aléas qu'on cache derrière ce manque de peau. On veut se barrer à voyager par je ne sais où. On se demande où sont nos rêves, on était jeunes, c'est tout. Fut un temps, on avait moins de soucis pour nos projets. On a du mal à se projeter, pourtant on n'a plus 20 ans. Parti trop vite, pas l'impression d'avoir profité. La pression, la peur de l'échec nous faisait trop flipper. On est le fruit de nos parcours, à nos voyages pour une époque où le temps n'était pas si mal, où tout n'était pas si naze. Hein. Yeah, yeah. On est le fruit de nos parcours, à nos voyages pour une époque où le temps n'était pas si mal, où tout n'était pas si naze. Hein. On est le fruit de nos parcours, à nos voyages pour une époque où le temps n'était pas si mal, où tout n'était pas si naze. Hein. Kéfir, premier semestre. La triste fait l'estime et la lumière aura ni l'un ni l'autre. La jeunesse n'aurait pas manqué, ex nihilo. Une volonté perd ses principes et rend les armes à 7. Conséquence d'une destinée aiguillée par un sceptre. L'enfance identifie, l'alarme coule. Chacun observera l'étincelle dans le doute. J'ai vu le diable, mon âme dans son panier d'oseille. Le sourd a composé, le génie s'est coupé l'oreille. Pendant que le race du bonheur est 1 sur QI. On en... Avec des diamants de Chine, ressens les façons d'en se faire. Une barrière se brise et un ennemi peut devenir un frère. Le schizo s'unifiera aux antipodes. 1987, une cigogne s'est trompée d'époque. Au stade des péripéties d'un conte de fées. L'esprit s'est égaré, métaphore d'une vérité. 1 Eh, KEFYR. 1 Ça fait. Ça fait. 1 Eh. Eh. 1 Ok, ça fait, ça fait. Ce soir, je suis de bonne humeur, je n'ai pas l'âme en peine. Si je te parle d'un temps passé, c'est que j'ai plus la vingtaine. C'est fou en apparence, ma génération n'a pas une ride. Mou dans notre cadence, on se lance pas, on a peur du vide. L'alcool nous désinhibe, nos pensées se désinhibrent. On s'ouvre à des discussions permettant de garder l'équilibre. On est des grandes gueules, on n'hésite pas à parler fort. On fait l'effort d'avancer, ça on en a dû l'apprendre seul. En vérité, on s'est forgé une petite bulle. Une multitude d'amitiés qui est un petit tube. Avec le temps, on se perd de vue, on finit par s'oublier. Mais si l'oubli se perpétue, tu sais qu'on n'a pas su trier. Qui a raison, qui a tort, qu'importe, fuyez. Et si l'odeur est équivoque comme le 14 juillet. On peut s'évoquer l'époque où tout n'était pas si mal. Où nos madeleines de Proust n'étaient pas si âpres. Où nos madeleines de Proust n'étaient pas si âpres. Dans le théâtre de mes peurs, seuls quelques proches m'entourent. Sur leur visage des rides pour me rappeler que pour moi aussi le temps tourne. Ils disent que je devrais pas rappeler, que c'est pour ça que je m'embourbe. Connaissent Florent et Pacifica et c'est pour ça que je m'en fous. J'aperçois la femme que j'aime au bras d'un autre. La flamme est faine sur un CD de Soprano. La maigre part de réussite laissée par Dieu qui s'offre à nous. Autour de moi rien ne s'épanouit, même pas mon gosse au regard d'Acajou. Dans le théâtre de mes peurs, légitime def n'existe plus. La dernière fois que j'ai vu séquelles, Samsa l'avait traité de fils de pute. Loca est venu célèbre en faisant la tech. Et plus du style de rue au fond de la pièce. Les platines de Bérec sont crades, y'a même de la pisse dessus. Dans le théâtre de mes peurs, nos rêves se sont barrés, nous laissant seuls sans ambition. Avec Dame Solitude, on flirte, on s'endort même sans enlever le son. Je me sens si seul parfois, dans le plus grand des désarrois. Seul, seul comme un SDF qui aurait perdu la foi. Seul comme cette chanteuse d'opéra qui n'a plus de voix. Seul, seul comme... A défaut de claquer des précédent, je préférerais mieux claquer des doigts. Si je suis ce raisonnement, je m'en vais couper la tête du roi. Pourquoi, hein? Pas pour une seconde de gloire, rien à foutre de l'histoire ou d'apparaître sur liste noire. Je mène une fille bancale avec un penchant musical. Certes, si mon corps a mal, je considère ça comme du normal. Par habitude, cette attitude s'est installée. Ayant la tête loin des études, faudrait vraiment que je pense à me barrer. Barrer, au pire, car il m'a côtoyé. Je ne connais pas l'avenir et je préfère bien m'en passer. Chaque seconde est unique, le temps est universel. On comprend que rien n'est magique, pourtant tout nous ensorcelle. Yeah. C'était La Nocturne avec Kéfir au contrôle de La Nocturne, 100% rap français. Yeah, yeah. Kéfir, yes. Merci à toi pour cette nocturne. Merci à toi, Frédérico. Est-ce que je peux... Vas-y. Est-ce que je peux juste placer des dédicaces? Parce que je pense qu'on a tous des dédicaces à placer. Moi, c'est juste une liste de blases. Et ça, elle va pas être longue. Hier, je dédicace Axel Mogwen, Léa Barney Rivière, Nordine et son fils Medine, Rabat, Cynthia et Camille, Brittany, Karim et sa fille, Latika, Serge, Freddy, Eddie, le Poulpe, Madara et Mulder, McFun, McFly, toute l'équipe du 16, Claire et Grevut, Fléau pour le Master. Je remercie tout le monde, SP, le One Mike et toute la clique, Marshall. Yeah! Yo, un big up à Sonore, Cartoon, toute l'équipe. Antonio qui nous a aidé pour le clip de Placebo, Little One of Fame. Antonio, bientôt. Margot, yeah, bien sûr. Jenny Lac. Dédicace toute ma famille, Sky's the Limit, mes amis, Aka, Joe Mike, Fissa. Voilà, merci à tous. Le EP s'appelle Kéfir, ouais. Rappelle-nous où on peut trouver ce qu'il faut faire maintenant. On veut trouver. C'est bon, t'es trop bon là. Nora, calme-toi. Deux secondes. Tu as vu le freeze de Nora ou pas? Oui, j'ai vu, j'ai kiffé. J'ai fait le freeze que pour les bons. Lui, c'est un bon. C'est un très très bon Kéfir, en effet. Et on l'aime beaucoup. Même s'il m'appelle Frédérico, ce salaud, mais... Et tu sais quoi, c'est bon oeil, parce qu'on a eu Nekfeu aussi à La Nocturne, et franchement, il a bien... Comparé à Nekfeu, Kéfir, bien. C'est un grand compliment qu'il fait. Il a quasiment la même gueule, les meufs, c'est un bon... Bon, calme-toi, Léo. Va prendre une douche froide, ça va être calmé, c'est bon. Merci, faut savoir. Kéfir, merci, rappelle-nous où on peut trouver, ce qu'il faut faire, si on veut te trouver. Yes, alors moi, c'est le semestre... Oui, ça t'a troublé, hein. Ça t'a troublé, hein, cette histoire. Hein. Je te vois, tu es troublé. Alors, je m'appelle Fekir. Fekir, ouais. Non, moi, c'est Kéfir, K-E-F-Y-R. Le EP, c'est premier semestre. Voilà, premier semestre où il y a tous les sons, tous les freestyles, tous les. Oh, t'es troublé, Kéfir. Ressaisis-toi. Il y a tout. Yes, il y a tout ce qu'il faut. C'est Kéfir, vous pouvez trouver partout sur Deezer, Spotify, machin. Il y a MC Joël qui a sorti son EP, s'appelle L'Ambition de la Décadence, MC Joël, yeah, qui va distribuer ça dans les studios. Et rappelle-nous qui était au micro ce soir avec toi. Alors ce soir au micro, il y avait Sam Sara, et il fait de la prod aussi, Keizan, il s'appelle Sam Sara, qui a sorti La Prophétie des Samples. Il y a Smad, yeah, qui est là, qui fait partie du One Mic. Il y a Sika, qui est là, qui fait partie du One Mic. Il y a les Benjamin, Antonio, Alexandre, qui font partie de Little Walk Hall of Fame. Il y avait Joe Mike qui a sorti son album qui s'appelle Le Gaucher. Et Chiki O. Non, Chiki O. Chiki O, pardon, le gaucher, c'est celui d'avant. Chiki O, qui déchire vraiment. Et il y a MC Joël, voilà, L'Ambition de la Décadence, plaque tournante, son groupe, et ça déchire. Il y a Pyromane et Diogène qui sont juste à côté de toi. Yes. Voilà. Voilà, et moi, c'est K-E-F-Y-R, s'il vous plaît. Essayez de pas mélanger avec Fekir. C'est K-E-F-Y-R. Merci à toi, en tout cas, Kéfir. Merci à toi, ça Frédérico. Fait plaisir. On fait plein de bisous, hein. Merci. Toi, tu vas vraiment prendre une douche froide. Non, la nocturne, ils sont trop. Allez, on y va, c'est parti. Fin de La Nocturne maintenant sur Skyrock. Yeah. Merci Kéfir, merci à tes potes. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci à vous. Yeah. Nocturne, le son de Caris. Zango. Zango. Zango le dozo. Zango le dozo. Arrive la copine Emma aussi du Nord, ça arrive. Caris, le morceau s'appelle Nador, énorme, écoutez ça. Fallait que je sors du zoo. Ils n'écoutent pas ce que je dis, ils ne voient que la couleur de ma peau. Comme toi, je veux la villa au bled, comme toi, je veux être proprio. Je fume de la drogue, je suis dans le game, fuck le CIO. Si tu cherches le ralice, c'est que tu cherches Caris. Tu sais. Je suis avec des DZ sauvages dans les rues de Birmorandraïs. On va les arroser, ils auront le cul sec mais troué. Biatch! On résiste à tout dozo descendant de ses coutourés. Caris! Je m'endors serein comme Pierrot, milieu de terrain comme Pirlo. T'es faux comme des implants, tu n'es qu'une banane d'un blanc. Elle aime le liquide, ouais, c'est de la moule d'eau douce. Elle aime que je dirige son gros boule comme un V12. L'alcool c'est pas bon, et le shit c'est pas mieux. Non, non, ça adoucit, choc dans la banlieue. On n'a pas trouvé mieux. J'fais du bruit comme un raptor, genre ma bite comme le marteau de Thor. On est d'accord, j'suis bien plus hardcore que la cage du Bellator. J'suis mauvais mais j'suis carré. Laisse-toi faire, je suis l'arrêt. Bitch, t'as un dos d'âne dans le crâne et une voie d'insertion à la place de l'arrêt. Nous c'est direct, pas de ching chang chong. On ne passe pas par la Chine. Tiens mon bébé dans les bras, je compte mes liens, je pense à la solitude de la crime. Nado, nado, nado, le riff, le riff, le riff, le nouveau son de Caris, l'album arrive, on l'attend avec impatience. Le bif, le bif, Caris. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Je vais te voir. mère, la sale pute. Il est trop tard pour charrette. C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. Que le jeu s'arrête. Ça sent la sueur au labo. Des trackers sous le capot. Sans plein dans tous les bras. Côte visée en plein cœur. Tous ces raclos. Tous ces raclos. 3 lits, 2 V6. 6, 6, 6, 6. Iblis. Jeune, c'est net qui persiste. Et les ténèbres s'éclaircissent. Les singes viennent de sortir du seau. Sortir du seau. Armés comme à l'époque du clown. L'ange de la mort dans la peau. Je viens de sortir du seau. Sortir du seau. Ton cadavre derrière quelques plots. Le sang est plus épais que l'eau. Épais que l'eau. Armé comme à l'époque du clos. L'époque du clos. Les singes viennent de sortir du seau. Sortir du seau. Y'a que les ficelles de tes strings qui te soutiennent. Qui te soutiennent. Je te baise et les draps s'en souviennent. Draps s'en souviennent. Gros bras pour que Katia tout vienne. Katia tout vienne. Me fasse un Rio Gras ou un Tchepoutien. La chambre est assez grande pour plusieurs chaînes. Pour plusieurs chaînes. Le torse est assez large pour plusieurs chaînes. Pour plusieurs chaînes. Dans le monde des blancs, les billets sont mauvais. Chez nous, l'animal dominant est un noir chauve. Est un noir chauve. Quelques grammes par jour dans le pif. Par jour dans le pif. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Mais pas les chiffres. Le nom d'un mort tatoué sur la peau. Sur la peau. Les singes viennent de sortir du seau. Sortir du seau. Les singes viennent de sortir du seau. Sortir du seau. Armés comme à l'époque du clos. L'époque du clos. L'ange de la mort dans la peau. Dans la peau. Les singes viennent de sortir du seau. Sortir du seau. Ton cadavre. Classique. Caris. Le sang est plus épais que l'eau. La nocturne 100% rap français. Elle s'appelle Emma. Emma, grosse dédicace à Emma. On va écouter son morceau maintenant dans la nocturne 100% rap français. One shot. Planète rap 100% rap français. Attends, dernier shoot. Attention la descente. Dernier shoot. Attends, attention la descente. Attends, attention la descente. Attends, attention la descente. Attention, ferme d'indécence. Porte-menton en ébullition. Proposition indécente, option aisance. Vision de flamber d'essence. Je l'aime à mourir, pas des paroles en l'air mais descendre. T'es le seul qui a su me faire monter quand il a fallu que je descende. Low, l'autodestruction par auto-obéissance. Addiction entretenue par la distance. Danse toute une nation sous la reine et moi je joue à la soumission. Je reste la reine et même si je me situe en dessous, je reste en mission. Souveraine, ils ne comprennent pas tous ou pas du tout. Douce, pour lui je m'ouvrirai les veines si j'étais passé souvent sous mes derniers sons dans mes écouteurs. Verse-moi donc dans la boca ton dernier shooter. Ton dernier son dans mes écouteurs. Verse-moi donc dans la boca ton dernier shooter. Un dernier shoot. Shoot, shoot. Sur un dernier shot, vas-y chouchoute-moi, shoot. Un dernier shoot. Shoot, shoot. Sur un dernier shot, vas-y chouchoute-moi, shoot. Faut le dire à personne, c'est pour ça qu'on chuchote. La situation est folle, c'est pas de notre faute. Fallait pas faire des choses aussi folles, fallait pas faire ça. Putain, ce que c'est devenu hot. Oh putain, est-ce que j'aime ça. T'es celui qu'il me faut. C'est lui qu'il me faut. Il me faut ma dose. Ma dose, il me la faut. Je fais ma folle amoureuse. L'overdose, overlove. J'ai pas l'âme heureuse, mais au moins j'aurais connu ce love. Je fais le vœu de nous jusqu'à l'overdose. Tu fais game over, tu décides pour où nos doses. Exos et ose, le dernier rendez-vous. Mon you, le dernier shoot, c'est toi qui l'offre. Mon lover, à vous. Laisse-moi me cogner fort.

Chloé Nada Walou Peanuts Hess. La peau de mes yachts passe le big up wesh. J'suis bankable, infréquentable. Kerry qu'on me dit ma côte coral gable. J'te fume en fumant un bédo. Mon ADN sur le mégot jamais. Flingue dans la gueule c'est bon pour la négo. Annette placard à ma table négro. J'suis l'infréquentable. L'infréquentable. J'suis au volant du cop. Y'a mes Kaira qui tapent. J'suis l'infréquentable. L'infréquentable. Pieds sous la table. Y'a toute la boîte qui tape. Bitch. J'suis l'infréquentable. J'suis l'infréquentable. J'suis l'infréquentable. Tap. J'dis pas gros merci, aucune bande de pute. J'dis juste que quand t'aimes ma tes ont les yeux qui sentent le huc. J'suis beau comme un job. Tout comme un job. J'sais pas pourquoi tu jacques. Personne te regarde, t'es comme une chaîne du cap. J'ai toujours gardé le cap. Jamais sucé, jamais passé de pâte. J'me suis mis à bibi au départ. J'estimais avoir mangé assez de pâtes. À mon propre enterrement, j'serais en retard. Juste pour prouver au monde que j'suis bel et bien différent de ces bâtards. Hey, gamos, recuit, lunettes, tout est noir. Sauf les traces de cocaïne dans le tupé. J'suis l'infréquentable. L'infréquentable. J'suis au volant du cop. Y'a mes Kaira qui capent. J'suis l'infréquentable. L'infréquentable. Pieds sous la table. Y'a toute la boîte qui tape. Bitch. J'suis l'infréquentable. J'suis l'infréquentable. J'suis l'infréquentable. Tap. J'dis pas gros merci, aucune vente de pute. J'dis juste que quand t'aimes ma tes ont les yeux qui sentent le huc. C'est la nocturne, 100% rap français, Dossé, Booba, infréquentable. 1h45, il est grand temps de partir en session classique pour conclure cette nocturne maintenant. La planète rap nocturne sur Skyrock. Nocturne. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du pif. Pas d'embrouille, man, pas de litige. Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges? Oh zen, majeur en l'air sur la piste. MC gardez la pêche, vous n'êtes pas sur la liste. C'est pas la rue mais l'être humain qui m'attriste. Comment leur faire confiance, ils ont tué le Christ. Les rappeurs m'envient, sont tous en galère. Un jour de mon salaire, c'est leur assurance vie. Oh. J'suis pas dans le game pour les tatas. J'suis là depuis Adidas, frais comme Elina Stas. En plein blizzard avec mon BEP vente. J'suis condamné au mic à la vente de substances bizarres. Manque de peau, j'ai pris la vie dans mes bras. Ah, je l'ai tiré si fort, je lui ai cassé le dos. Oh, devinez qui mène là-bas. J'suis rodaf, mon rap s'est laissé pousser la barbe. Fais du bruit pour le rap, sa mise à mort. BO, en chair et en os, en chaîne et en or. Ah, bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, clasher du pif. Pas d'embrouille, man, pas de litige. Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges? Arlène, j'prends 2, 3, 4, 0, 6. On va te péter le go, si ça croit parce que t'es trop balèze. C'est le bon son de Poulpi. Mythoman pour les fans, accroupis sur les groupes. Je n'est pas pour les mineurs. J'arrive de l'ouest en CLS, des morceaux de fesses de CRS sous les spinners. Déposé dans la street par une cigogne, j'en ai déjà la trique. Venez me test que je rigole. Mieux comme un rat mort, libéré à tort. Petit prince du hardcore, j'démarre au gare comme un raptor. J'suis tatoué, j'vais mourir avec. Un flingue dans la cervelle, j'me nourris avec. L'état fait tout pour nous oublier. Si j'traîne en bas de chez toi, j'fais chuter le prix de l'immobilier. Ouais mec, bidon d'essence allumé. Tu vois pas clair, ça mon fusil à lunettes. Fais plus de bif qu'au TRC. Calimero se plaint moins, la coquille percée. Crack musique, grosse dose dès le départ. MC, toi et moi, trop de choses qui nous séparent. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, clasher du pif. Pas d'embrouille, man, pas de litige. Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges? Arlène, j'prends 2, 3, 4, 0, 6. On va te péter le go, si ça croit parce que t'es trop balèze. C'est le bon son de Poulpi. Mythoman pour les fans, accroupis sur les groupies. Boulogne, Aubervilliers, garce les gonesses. Grillé, les flics et les putains me reconnaissent. Ne me tente pas, j'aime trop l'oseille pour être honnête. J'suis venu vous gifler, dédicace à Bertrand Cantat. Viens faire un tour dans mon gamos, gamos. 22 pouces chrome, vamos, vamos. Millionnaire, comme dirait Abdel Hakim. Il n'y a qu'un pas entre le concessionnaire et le carjacking. Emma, c'est Nora, je te fais une dédicace. On est avec Anaïs et on pense à toi. Pour la nocturne. C'est pas la rue mais l'être humain qui m'attriste. Comment leur faire confiance, ils ont tué le Christ. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, clasher du pif. Pas d'embrouille man, pas de litige. Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges? Arlène, j'prends 2, 3, 4, 0, 6. On va te péter le go, si ça croit parce que t'es trop balèze. C'est le bon son de Poulpi, mythoman pour les fans, accroupis sur les groupies. C'est la nocturne, c'est 100% rap français. Et on kiffe. Session classique. Fabuleux est là, prêt à prendre le contrôle de la nocturne à n'importe quel moment si ça dérape. Et on va déraper ce soir. Bordel. Dédicace à Thibaut. Mylène est là aussi. Dédicace à Ananas Benoulou. 100% explicite lyrics. La nocturne. L'avenir est à nous. Kouchen, Rof et Dadou. Tiens, demain, je suis à Toulouse. Demain, après-demain, direction Toulouse. Ça va faire mal. Dernière intervention de votre collègue et un TFRC au total, c'est avec carte blanche. Merci, monsieur le ministre. À très vite. Manquait d'envergure, que le rap c'était pas de la zik, qu'on ramènerait pas d'air pur. Mais moi, je voulais faire pire, créer un truc qui perdure. M'installer 20 puis j'ai fabriqué un son qui perdure. T'as pris, faire bête, l'avenir est à nous. Si la route fut pas perfecte, ça fait du taf, tout ça mis bout à bout. Juste un petit goutte à goutte, l'infiltration. Devenu fleuve aujourd'hui, donc vas-y, foutu, trafond. Touche pas ta tête haute, les bras en l'air. Faut que les têtes sont ton ennemi, les bras en l'air. La merde qui est dans l'air. On flingue ça dans l'heure, qu'on le fasse en cœur. Juste avec des micros, un clavier, un sample. T'as capté le délire, l'avenir. Mets-moi le type qui est à côté de Kouchen. C'est un chef de produit, on l'a déjà interrogé. Je vais m'interroger à ma manière. C'est sûr, c'est rap sur écran plasma. Big fat, rime lourd, une grosse basse et basta. C'est vrai que ça tourne. L'avenir est fait d'un coup. Qu'il soit plus question de parler de musique tabou. Ça tue partout. Dans les boîtes comme dans les halls. Jamais du rêve pour les mots. Dégage. Il est où là? Va dire. Je fais 6 à des âges, suffit de prendre le 7-5. Moi je reste simple et je suis simple. J'ai tellement d'ambition que l'avenir me craint. J'ai déraillé le train-train, j'ai plus de vis qu'un train. J'ai pillé le temps à mon horloge, reçois des éloges dans ma loge. Je baisse la réussite avec un schlasse à la gorge. Je vends bien comme un GGL, je s'échelle, je l'échelle, je l'échelle, je l'éteigne. Comme un russe par les tchétchènes, mes métaphores est scénique. J'en gagne, bon scénique, présent scénique. Comme le soleil, je brille au zénith, je brûle les élites. Je leur fais de l'ombre, donc ils marronnent. Quand je rappe, tiens une tête, comme si j'avais foiré leur baronne. Tout ce que je sais faire, j'ai quoi faire, faut s'y faire. J'arrêterai pour le bonheur en tout ça, parce que j'ai souffert. Le rap, mon affaire, le politique, c'est le groupe. T'inquiète, c'est le groupe. Mon flow, c'est le scoop. Je porte la rue comme une coupe. C'est vrai que ça tourne. L'avenir est fait d'un coup. Qu'il soit plus question de parler de musique tabou. Ça tue partout. Dans les c'est bon, c'est Tony, allez-y, rentrez là. Kouchen, Rof, Dadou, l'avenir est à nous. Session classique. C'est pas eux, c'est pas l'objectif. Dehors. Et du gros son pour les cons. Quelle chance d'habiter la France. De compétences. Dadou, Toulouse, on arrive. C'est dans le respect que je prends le relais. Le drapeau de ma ville. Sur le rap français. J'ai le sourcil foncé. Je viens pour défoncer les portes renforcées. Après cette défoncée, le nouveau crack lancé. Le 15 floor crack sous l'effet rap lourd. Et c'est le crack boursier. Jaune pour le sud dans ma lancée. Dehors, bord, poucave, le toit à balancer. Danse ma princier. C'est un peu comme le tsunami. Sous la première vague partie de la seconde, on se méfie. On y va! Il va pas se foutre de ma gueule ce furier là! Allez! Pas de quartier! Allez, vas-y, merde! Cassez-vous, c'est un piège! On décroche! Allez, on décroche, on bouge! Arrache! C'est vrai que ça tourne. L'avenir est fait d'un coup. Qu'il soit plus question de parler de musique tabou. Ça tue partout. Dans les boîtes comme dans les halls. Jamais du rêve pour les mots. Et du gros son pour les gros. C'est vrai que ça tourne. Oh la bouche de fils de p*****. Qu'il soit plus question de parler de musique tabou. Ça tue partout.

c'est super avec tes brrrr. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats m'éclairent sur le beat, le poison pour la flow. Il coule la flow, le flow fait swinguer la foule. Dans sous l'air de la lame, le chant des fusils, les rimes malsains, c'est une époque à damner à saint. Quand ma usine crache, la mort j'accuse, arrache la mise au lire cache. Je mâche plus mes mots, je lâche des pompes à chaque fois, sache que l'heure est proche. D'averse, tire tes proches avant le clash. Meurs un sanglant, rime taille dans la roche, attache de l'importance au sens dans mes textes. Pose, poser, misère en pause, puis exploser pour la bonne cause. La PJ sous une bâche, à qui profite la guerre, la PJ censure un rap moins violent. Schwarzenegger, entache mon business, tu caches la vérité, les coups sont mérités, c'est l'hôpital du fou, la charité. J'ai hérité de la violence, ça afflue sur mes compositions. Tu peux t'en faire du rap sans prendre position. Faire opposition, ça me connaît, moi je me connais en me faisant de la monnaie. Donner puis recevoir au bonheur abonné. Je boxe avec les mots, je vis aussi chaud. J'ai sur le dos à moi des barreaux. Les formules et haute politesse, nous on s'en fout. Je kiffe pas au loin, t'écoute pas, je suis tout. J'évite le non-sens comme un virus. Superstar dans le ghetto, comme à la roulette russe. Les taux se resserrent, les crames et le veto. Les jeunes se mettent au rap préto. Ils frappent la résistance et préto. Micro de PMC à Beto. Les barreaux de prison, s'ils t'enferment d'expression orale. Éclat moral, le rap est sous pression quand l'inoral. De pression de la gâchette, Titi ou le viscère. Mon album s'achète comme un douce bien viscère. Serre-moi la poigne, les mots des frères, je soigne. Mes mots en témoignent, si l'enfer est pavé de bonnes intentions, que le port se soigne encore. Un autre prétexte, un texte violent, mais voilà. J'ai pas joué du violon, faire des rimes à la mort. Moi insolent, mon solo rap shoot, crée le doute, lègue moi le micro, déjà les accros veulent des bootlegs. Écoute, ouais. Arsenic c'est pas une black wingle, ouais. Kiffe le single, laisse la dance au track. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats mes vers sur le beat, ouais. Le poison pour la flow, la flow. Mon flow fait swinguer la foule. Si le rap part en couille, je suis prêt même avec les mots. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats mes vers sur le beat, ouais. Le poison pour la flow, la flow. Mon flow fait swinguer la foule. Si le rap part en couille, je suis prêt même. Un beat, une grosse basse, faut que je me place hausse. La voix pour mes sauts, fasse-moi les bastos. Faut qu'on les blesse tous, les pousse dans la fosse. Fesse les fausses faces, laisse une trace sans se mettre. Puis en caisse, en face mes gants masse, flirte avec le meurtre. Ta sensibilité heurtée, c'est ton sang qui tache mon t-shirt. Elle, hyène hostile, boum boum, finance tes obsèques. Zoom sur ma clique, mes cartes sus mon obsèque. XXX large, me fixe et charge. Je me garde de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Une charge explosive, barge, rime, pousse au crime, au carnage. Dur, cassé dans la merde, que mes lascar au carnage. Tueur de clown, cyclone, rap, chasseur de clones et parano. Pousse à Bécalpo et Tony Serrano, le cap au tap, frappe au micro. Brûle pas les étapes austères comme l'engin dans mon holster. Tu peux y laisser ta peau. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats, mes vers sur le beat, le poison pour la flow. Il coule la flow, mon flow fait swinguer la foule. Si le rap part en couille, je lui prête mes boules. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats, mes vers sur le beat, le poison pour la flow. Il coule la flow, mon flow fait swinguer la foule. Si le rap part en couille, je lui prête mes boules. Je boxe avec les mots, avec les mots. Les beats, mes vers sur le beat, le poison pour la flow. Il coule la flow, mon flow fait swinguer la foule. Si le rap part en couille, je lui prête mes boules. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats, mes vers sur le beat, le poison pour la flow. Il coule la flow, mon flow fait swinguer la foule. Si le rap part en couille, je lui prête mes boules. Avec les mots, je boxe avec les mots. Je sors de chez moi, mais... Salut mon gars. La nocturne classique. Doudoune que je viens de dépouiller une putain de face de Fred Musa. Je sors de chez moi, salut mon gars. Gynéco en tournée près de chez vous, allez le voir. Au mois d'octobre, novembre, il arrive près de chez vous. Le docteur. Papy Kaira. De retour dans la nocturne 100% rap français. Et on est... Je sors de chez moi, hey, salut mon gars. Tu sors de prison, dis-moi comment ça va. Tu veux que je t'enregistre les nouveaux sons. Le dernier ministère